comme toi. Chad Maman. It's music only. Mima, faut pas que tu pleures. Comment ne pas regretter la famille, les saveurs. Je t'avais dit que je reviendrais. On jouait durant des heures avec tous les gamins du quartier. On mélangeait les couleurs sur des trains, sur du papier. On vient d'ailleurs, les mêmes à l'intérieur. Enfants d'ailleurs, on ne cherche que le bonheur. D'où que l'on vienne, on est partout les mêmes. Où que l'on soit, le cœur au même endroit. Je suis comme toi. T'es comme moi. J'ai posé les yeux sur des centaines de paysages, serré des milliers de mains, croisé des milliers de visages. Perdu dans la ville, faut pas être fragile. Non, non, non. Perdu dans la ville, moi qui viens d'un petit village. Je suis né ailleurs, mais c'est ici que j'ai pris de l'âge. Je n'ai que mes valeurs et mes principes en héritage. Oui, je suis comme toi, alors pourquoi tu me dévisages? J'ai dû repartir à zéro. C'est pas comme changer de numéro. La langue de Molière, des nouveaux poteaux. Une nouvelle chambre, un nouveau bureau. J'ai dû repartir à zéro. C'est pas comme changer de numéro. J'ai vu un nouveau monde, j'ai vu changer mon entourage. C'est l'artiste et John en mode covoiturage. Tous les mêmes enfants d'ailleurs. Ceux qui disent le contraire sont guidés par la haine. D'où que l'on vienne, on est tous pareils, on fait tous des rêves. Où que l'on soit, on est tous les mêmes. Toutes les routes mènent à l'homme, toutes les routes desservent. Et si l'homme te fait chier, bah t'as tout le désert. On se dit que c'est le bordel, mais on laisse tout faire. On sature, on attend tous la fin de semaine. Je suis comme toi. Tous les mêmes, tous les mêmes. On est, on est. T'es comme moi. Tous les mêmes. J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc merci pour le one man de d'hier soir au feu de la rampe. Quelle tuerie. Ah, merci, c'était le énorme. Feu hein. Merci, vous avez été là, ça m'a fait plaisir les amis. Ouais. C'est feu, c'est le cas de le dire, feu de la rampe. Bravo, merci à vous, quel kiff. Elle en tout cas. Pas un spectacle celle-là. Non, non, non. Saint-Quentin maintenant pour la prochaine. Saint-Quentin pour le lancement officiel à la Picardie. Et je vais venir avec des copains à Saint-Quentin. Je vais vous réserver des surprises pour tu ceux qui sont dans la salle. Non, non, non, si vous êtes dans la salle, il y aura des surprises. Okay. Il y aura du chanteur que vous connaissez bien. Ah. Mais je vous ferai des surprises, mais pas vous en dire plus. C'est normal, c'est le lancement, c'est dans ma région. Donc ça va être une vraie tuerie, ça va me faire plaisir de commencer là-bas. Puis après, maintenant, il y aura plein de villes où on va se balader. Après, on va aller à Lille. Dans toute la France. Ouais, à partir du mois de septembre, octobre. D'accord. Lille, pas mal de villes, etc. Ça va être une tuerie. Nous avons pas mal de choses dans l'émission aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on va avoir notre invité, on le kiffe bien. C'est la sortie de l'album aujourd'hui, lui. Oui. Ça veut dire, autant vous dire qu'il se fait un petit peu dessus. Julien Peretta sera là. Il y aura le Ils sont cool ou pas tout à l'heure. Nous allons prendre encore le nom d'une société qui a un nom cool. C'est fou comme il y a des restaurants ou des sociétés qui ont le mot cool, gentil, sympa. Ça fait venir. C'est vendeur, c'est vendeur. Voilà, on aura l'appel de bâtard tout à l'heure pour savoir s'il y a du monde qui dit du mal de vous ou pas. On va se faire... Est-ce que j'aurai le droit de faire un petit mix tout à l'heure à la fin? On se remettra à des meilleurs super jeux et tout, mais on apprend aujourd'hui et c'est un drame. D'abord, bonjour l'équipe, excusez-moi. Oui, bien le bonsoir. Ça va, Julie? Bonjour. Ça va, mon Pietre? Oui, ça va. Guéguette est là? Oui, ça va. Allez-y, allez sur le Facebook, allez sur Twitter, allez sur tous nos réseaux sociaux en même temps, de ceux de Poipette et tout ça. Jérémy qui réalise l'émission va bien? Il va très bien. Bon, Bérénice, Touffe, oui. Les filles, 0870 42 48, passez-nous un coup de fil et c'est elle que vous aurez. La dernière fois, je vous jure que c'est vrai, il y a eu un mec qui parlait à. C'était à Bérénice ou à Touffe qui lui disait, vas-y, parle-moi avec une voix sexe. C'est vrai? Bon, c'est qui? C'est Touffe. C'est ah ouais. Elle me dit, je sais pas quoi en faire, il me demande de parler avec une voix sexe. Tu l'as chauffé? Il pense que c'est du téléphone rose, les gars. Téléphone rose, ouais. Tu l'as chauffé ou pas? Non. Si, allez, arrête. Tu l'as chauffé. Chauffeur. Non, non, non. Petite chauffeuse. C'est pas mon genre. Tu as dit que tu l'as chauffé, moi. Bon. Ouais, un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Julie, encore? Ah, rien. Ah, non, oui. C'est un truc après. Ah bon, d'accord. C'est sexe encore. C'est entre nous. Ah non, rien à voir, évidemment. Pas de sexe, chaque fois, non, de toute façon, je suis exclu de toutes vos vannes de cul. Est-ce que vous connaissez Zamfara au Nigeria? Non. Non. Eh bien, il y a un couple qui s'est marié. Et une fois le mariage acté, ça n'a plus marché. Ah merde. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la femme était un homme. Non, sa femme est une femme. Il ne l'avait pas vue avant le mariage et elle était moche. Ah, non, oui, il l'a bien vue avant le mariage. Qu'est-ce qui a bien pu merder? La belle famille, chiant. Non, non, non. Il n'y a pas de belle famille, il n'y a pas de machin. Si tu rigoles, c'est sexuel. C'est sexuel. Ouais. Et il a plus le barreau. Il a plus le barreau. Non. C'est pas ça. S'il l'a eu. Je sais pas comment dire. Il a eu l'érection, on dit ouais, l'érection. Ouais. Il durait trop longtemps. Non. Elle lui a coupé le zizi. Ouais. Non. Et il a plus de tub. Non. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle a déclaré, la dame, ouais. C'était un cauchemar. Ah, Parce qu'il avait un trop gros zizi. Trop gros zizi. Elle est tombée. Bah non, elle l'avait pas vu avant, visiblement. Ils étaient respectueux. Elle est tombée sur un mec qui était trop membré. Et elle a dit qu'après plusieurs tentatives et d'un commun accord, les deux ont donc décidé de demander le divorce. Parce que même lui, il en avait marre de pas pouvoir rentrer. Oh, mais non. C'est fou, non? Ah ouais, à ce point-là. Ça doit être chiant. Non, mais c'est après, c'est le gars. C'est, comme c'est, quoi, des fois, c'est un handicap. C'est un homme barbecue. C'est le gars, à mon avis, il fait l'amour à sa femme, c'est une brochette, c'est ça. Mais t'imagines que pour qu'au Niger, où il y a quand même la réputation des mecs bien membrés, pour que la demoiselle, qui est entourée d'un pays de mecs bien membrés, dise qu'il est trop bien membré, c'est-à-dire que là, le type, t'es dans les 25. Ah bah, il fait barrière à la douane avec sa bite. C'est un truc d'une violence rare. On est vendredi, bougez pas, il y aura Enzo dans 2 minutes. Tu bouges pas, Enzo? Oui. Allez, allez, ne bouge pas, on se rend encore, on en parle dans 2 minutes, à tout de suite. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts en fin de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son, ah ça danse, un doux suçon. Elle soupire et frissonne. En el taxi, la conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura. Sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Envie du but de fouler, je reviens dans mon taxi. Qui saura te guider avec plaisir sur les chemins du désir. À l'arrière, tout s'enflamme, oh, c'est chaleur. Elle retire tous ses vêtements, oh my god, c'est horrible. Tout, je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la bouche, j'en oublie ma tournée. Elle est telle sonne, les autres attendent. Elles vont me prendre, oh yeah. Murder, they run. Envie, Coé, tout le monde est le bienvenu. Dites-le à tout le monde. Les amis de mes amis sont mes amis. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Oui, j'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Ça va le public? Julien Perretta tout à l'heure. Oh oui, oh, thank you Jesus. Woo! Alléluia. Alléluia Seigneur. Thank you Jesus. Julien Perretta et ses 8m50 de haut, dont 7m50 de coupe de cheveux. Non mais il est hyper grand. J'aimerais bien faire un selfie avec lui, j'aurais. Bah, il prend une perche. Que le ventre, ah, en fait. Là, on te voit plus du tout, je te jure. Bon, j'espère que ça va de votre côté. Enzo, direction la Corse. Pour ceux qui avaient envie de se prendre des vacances, c'est vrai que c'est bien les vacances en Corse quand même. Ce qu'on... T'aimes bah, ouais. Ah, pas, ou, pas, moi, pas juillet, août. Mais non, faut pas y aller. Là-bas. Non, faut pas y aller. 15 juillet, 15 août. Ouais, c'est ça. Mais avant le 15 juillet, c'est un peu cool. Et après le 15 août, ça redevient cool. C'est magnifique, la Corse. Ouais, c'est magnifique. Mais quand c'est bourré de gens et que t'as toute la France qui descend dans la même île, c'est moins magnifique. Ah, mais c'est tellement beau, franchement. Et c'est là où les Corses. T'as dit que la Corse était beauf. Ouais, t'as dit c'est tellement beauf. T'as dit c'est beauf. T'as dit c'est tellement beauf. Non, t'as dit c'est tellement beauf. T'as dit que la Corse c'est beauf. Putain, t'es corsiste. Non, j'adore la Corse. Depuis des années que j'adore la Corse. Autant être nordiste. Les mecs du Nord, nous, on fera rien. Ouais. Dire que t'aimes pas la Corse. Ah oui, c'est dangereux. Tu prends des risques. Oh là là. Tu prends des risques là. Hein. Tu prends des risques. Faut pas y retourner. Vous hein. avez tout faux parce que ça fait des années que je dis que j'adore la Corse. Ah bah là, t'as dit que la Corse, c'est pour ça que tu vas en vacances au Pilat. Ouais, à l'opposé. C'est pour ça que tu vas en vacances à l'opposé dans le sud-ouest. Ouais. J'adore la Corse, évidemment. Ouais. T'habites où exactement, Enzo? Oui, moi j'habite à Salute et à toute l'équipe. J'habite à Basilicatch. C'est où, Basilicatch? À 20 km d'Ajaccio, à Ajaccio. D'accord. Mais Julie ne te moque pas de son accent. Julie, c'est pourquoi dingue, tu me moques? Arrêtez, je me moque pas. Julie, pourquoi tu dis que tu comprends pas? T'entends ce qu'elle a dit? Elle a dit je comprends rien quand il parle. Ouais. Arrêtez de me dire des choses que je n'y dis pas. Mon pote, oui. Je suis désolé. Nous, bah, on est fans de la Corse. Et Julie, depuis tout à l'heure, à chaque fois que tu ouvres la bouche, elle se fout de ta gueule. C'est pas vrai, Enzo. Tu crois qui, Enzo? Elle fait genre qu'elle se fait vomir avec ses doigts dans sa bouche. C'est pas vrai. Des gestes obscènes. Non, Julie, elle a pas de cagoule. J'ai beaucoup d'amis corse. Ah, mais c'est le délire de. Les clichés, les gars, c'est nul. Enzo dit quelque chose. Toi, nous, on dit rien depuis tout à l'heure. T'entends quelque chose? La cagoule au lapin, non. Fait trop chaud, c'est la cagoule d'été, là. Voilà, il y a la cagoule d'hiver et la cagoule d'été. Enzo, t'as 50, il a 50 balais, Enzo. Non, oui. Et alors, c'est un jeune, 50 ans, oh. Et je galope tous les jours, 12-13 km. Je nage 3 km 600 et 12 km de course à pied tous les jours. Tous les jours? Non, mais c'est pour aller chercher le pain, c'est loin. Et il habite en montagne. Eh oui. C'est compliqué. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, ça m'a fait pleurer, bondir. C'était pour te défendre au sujet des tenues vestimentaires de mardi. Nous, en Corse, là-bas, quand on va aux impôts ou quand on va partout, on est habillé simplement. Hein. Comme on dit, l'habit, c'est pas le moine. Hein. Mais enfin, on est d'accord. Un homme habillé simplement au niveau du caractère, c'est ça le montre. Voilà, enfin, t'as simple, pas même pris les bousons. Voilà. Non mais il a raison, les fringues, on va pas reparler de ce magazine parce que voilà, c'est pas mais ça m'a pas gêné plus que ça parce qu'il y a des gens des fois qui ont cru que j'étais très premier degré. Non. Je m'en fous, hein, j'ai jamais été un exemple de fringues à porter ou etc. Sinon je ferais un blog YouTube sur les tendances, tu vois. Mais non, pas du tout, donc ça ne me vexe pas. Mais c'est vrai que quand même, je trouve que c'est cool d'être habillé en mode normal. Des fois, t'en as qui sont trop fashion, excuse-moi, il y a des gens des fois même qu'on reçoit. Quand t'es trop fashion, t'as un peu l'air con. Mais ouais. Non, mais faut arrêter. Même le toi, magazine, des fois, t-shirt. Tu mets ton t-shirt là, qui remonte jusqu'au genou. Est-ce vraiment de ton âge? Je ne sais pas. Mais non, mais cool. Là, pour revenir sur. Bah oui, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Non, mais là où je suis contre toi et que c'est bien fait pour ta gueule, c'est qu'à chaque fois que nous, on essaye de mettre un truc qui n'est pas gris, qui n'est pas noir ou qui n'est pas blanc, on se fait tailler parce que. Voilà, donc là, bon, ça t'a fait du bien. Là, je le soutiens. Julie, regarde, on est obligé maintenant, depuis qu'on travaille avec toi, on est obligé de s'habiller en bleu foncé. Excuse-moi, Julie, elle est habillée en Martine à la plage aujourd'hui. Aujourd'hui, on a. Attends, c'est même Martine à la messe. C'est. Ah bah c'est très UMP, là. Tu veux qu'on demande à JQ s'ils aiment ma tenue ou pas? Ah bah celle-là non. Vas-y, ah bah, tu veux tweet-les. Tweet-les. Vas-y, allez, vas-y. Et celle-là, vous l'aimez? Vas-y. Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Je le fais. Mais non. Mais le truc, là, en fait, c'est qu'ils ont voulu juste se faire de la pub. Ils cherchaient le clash, machin, parce qu'ils savaient que ça allait répondre derrière. Les animateurs. Et voilà. Et puis ils en ont mis plein. Il y a plein de monde. Ils ont mis David Guetta, ils ont mis Kenji et tout ça. Voilà. Ils les ont tweetés, donc ils attendaient des réponses aussi. Sans déconner, moi je. Mais ça fait chier quand même. Mais merde. Non, mais je m'en fous. Mais moi je suis en jean, t-shirt toute l'année. Voilà, c'est tout. J'ai un petit blouson. Alors après, c'est pas. c'est pas grave. Mais moi, je suis comme toi, moi, Enzo. Moi, je trouve que des fois, t'as des gens, ils mettent juste un t-shirt. En vacances, tu les vois avec des tongs et un jean pourri. Ben, ils sont peut-être blindés ou de thunes, ou ils ont bon goût, ils sont machin, mais ils sont à la cool. Pour pas se faire remarquer. C'est bien d'être à la cool aussi. C'est vrai. Mais moi, ce que je rigole, c'est que quand on voit les pensoutes arriver, parce que les pensoutes, c'est les vacanciers. Oui. Voilà, je vous apprends un mot. Les continentaux, quand ils arrivent, ils ont des chaussettes qui leur montent au-dessus du genou. Ça, c'est un short qui est humble, avec une chemise, tout le truc. Ça, nous, on se marre. Quand on est au café, qu'on boit notre petite piètre, on se marre. On dit à toute patte, comme on dit, c'est pensoute. Bon. Ils arrivent, eux, ils sont. Ils croient que parce qu'ils viennent donner de l'argent en Corse, puis ils se croient le tout. Tu sais quoi, il va falloir que j'aille vivre en Corse. C'est ça. Voilà, je pourrais m'habiller comme je veux, on mais sera tranquille. Mais de toute façon, c'est pas les habits, c'est de la façon dont tu les portes, de toute façon. Parce que t'as des nanas qui portent un t-shirt blanc tout simple, sur elles, ça fait raison. Un truc super, tu t'as vois. Raison, elles sont très classées. T'as des nanas, elles vont te mettre le comme t'as des mecs qui mettent juste un jean et un débardeur ou un t-shirt, ça va être mortel. Et d'autres, c'est vrai que les Ajacciennes par rapport aux Bastiais, parce que si on rentre dans l'histoire, Bastia, ça a été Pascal Paoli, et Napoléon, ça a été Ajaccio. Et grâce à Napoléon, Ajaccio et la Corse est devenue française, grâce à lui. Sinon, ça aurait été la Corse indépendante. Tu veux que je te dise un truc, mon ami ? Je vais te dire un truc. Il y aurait n'importe qui de sa région qui aurait raconté un truc d'histoire. Ça fait bien longtemps que Pietre aurait dit on s'en branle. C'est vrai. Mais comme toi, tu es corse, t'as remarqué que personne ne t'a coupé la parole. Je pense que tu nous aurais fait un cours d'histoire sur Pascal Paoli. Tout le monde t'aurait dit c'est génial. C'est vrai. Les mecs, ils se sont dit on va pas l'interrompre. Attends, je tiens à ma bagnole. Je te fais un gros bisou, Enzo. Je t'embrasse et embrasse tout le monde en Corse. Oui, c'est gentil à vous, à toutes les équipes, et continuez comme ça. Ouais. À bientôt. Allez, salut. Gros bisous, t'embrasse, salut à toi aussi, bisous. Julianne Peretta sera notre invitée. On se fera un devine qui c'est dans un instant. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas terrorisé de la personne âgée. C'est vrai. En lui demandant devine qui c'est. Ça fait longtemps. Je vous le dis, dans un instant, on s'en occupe.

to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing and doing and doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how affections change. And we're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. Semaine prochaine de ouf. Lundi, on fête le retour avec nous de Jennifer. Il y a Kid May qui va venir nous voir. On a le programme de la semaine prochaine ouais, en détail. Je te le donne. Vous me le mettrez tout le week-end. On le fait tourner sur internet. Une, ouais, belle, une belle créa avec oui, tous les artistes. On a demandé il y a quelques jours. Il y aura Slimane. Amir va venir aussi. Bob Sinclair va passer. Il y a Black M qui va venir aussi. Oui. Mais oui, oui, oui, oui, oui. Il y aura Ritza qui va venir avec nous faire un tour. Ça va être bien avec Ritza, on va faire les manèges. Grave. On va aller à Walibi. Oui. Ça va être une tuerie ça. Et les Little Mix vont être nos invités. Et faut pas oublier Elise Moon et Franck Dubosc. Mais on s'en fout, Julie, on parle des chanteurs. Ah ouais, c'est ça, mais quand même. Elise Moon, Franck Dubosc, c'est deux vieux. Bon, voilà, voilà, c'est le troisième âge pour nos auditeurs. Et tu me parles de Franck Dubosc et Elise Moon. Tu plaisantes. Mais enfin, Julie, écoute. Ah, ils sont, c'est ça. On parle des Little Mix. Ça va, ils sont beaucoup plus vieux que moi en plus, quoi. J'ai 29 ans, ils ont quel âge les deux? 50 balais, 55 ans. Je vais leur dire, je vais leur dire. Allez voir, à descendre des escaliers, Franck Dubosc, il va mettre du temps. Enfin, il a demandé un truc électrique, un stade. Ouais, on est en train de lui installer le truc pour descendre des escaliers tout doucement. Ouais, excusez-moi. Je vais lui ressortir ce que t'as dit. Mais j'ai pas de problème. Enfin, voilà, la dernière fois, je l'ai aidé à traverser une rue, Franck. Oh. Et vous savez quoi? Je lui ai coupé son jambon comme ça à table. Il m'a dit, moi, je peux plus, c'est les dents. Voilà, mais c'est justement, tout. Camping 3, c'est qu'avec. C'est camping enfants. À la maison de retraite. C'est ça le sous-titre. Et Ellie, c'est pour l'âge de glace qui vient, c'est ça? Oui, en plus, c'est pour les enfants aussi. Qui l'a connu, l'âge de glace, Elise Moon, il était né à l'époque de l'âge de glace. C'est une autobiographie. Voilà. Allez, en attendant, on a. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Allez, appelle-moi de la Rolande. C'est le devine qui sait dans un instant. On aura l'appel de bâtard pour savoir s'il y a des gens qui disent du mal de vous. Et on aura des gens qui ont des noms de magasins cool. Tout à l'heure, on appellera Cool Mon PC. C'est une assistance téléphonique. Alors, en théorie, quand tu t'appelles Cool Mon PC, logiquement, t'es censé être cool. T'es obligé d'être cool. D'ailleurs, quand t'arrives le matin, dis oh, t'es pas cool aujourd'hui, rentre chez toi, t'es pas assez cool. Allô? Allô? Bonjour Rolande! Qui c'est? Devine qui c'est? Hein? Devine qui c'est qui appelle pour dire bonjour? J'ai pas compris qui. Devine qui c'est qui appelle pour dire bonjour? Qui est-ce qui appelle pour dire bonjour? Oui! Devine qui c'est? Bah je devine pas. Bah attends, non, tu cherches pas là. Non. Bah cherche. Non, je ne devine pas. Si. La personne à qui je pense, elle a un numéro de téléphone normal, donc. Mais parce que c'est mon nouveau téléphone. Comment? C'est pour ça qu'il y a marqué numéro masqué, c'est mon nouveau téléphone. Ah bon? Alors devine qui c'est? Non, je me trompais. Michel, non. Ben si, c'est Michel! C'est sûr? Ben oui, oh ben, je suis sûr que c'est Michel, enfin. Michel, comment? Hein? Michel, comment? Michel, bonjour. Hein? Je disais, Michel, si on faisait un... Oh, il y a une moto qui vient de passer, c'est pénible. Oh, j'entends rien du tout. Mais oui, il y a des motos qui passent. Je disais, c'est Michel, on vient d'en faire. Ah non, mais si on me dit pas non... Bon, mais je viens de le dire, ça fait trois fois que je te le dis. Non. Alors, oh là là, tu m'as reconnu. J'en ai dit la moitié. Mais non, si tu, pas, non, tu me charries, là, c'est Michel, enfin, tu me reconnais quand même. Je suis pas sûr. Ah, pose-moi une question. Non, je ne pose pas de question. Et bah alors, comment tu sais que c'est pas moi? Ben, j'en sais rien. Ah bah alors, tu me donnes pas ton nom, alors. Bah, c'est moi. J'ai tellement, écoute, à ce numéro-là, j'ai déjà eu aujourd'hui 4 appels de gens que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il disait? À ce numéro-là. Oui, mais donc, il disait quoi? Je ne te le dirai pas. Ah bon, d'accord. T'as qu'à me dire ton nom. Et Michel. Oui, mais t'as pas dit Michel comment? Ah bah alors si, c'est Michel. Oh le chien, oh. Ah, t'as un chien en plus, mais je crois qu'il n'y a pas de chien, Michel, mais c'est pas moi le chien, je ne sais même pas qui est ce chien. Qui c'est ce chien? Je disais, c'est Michel. Ah, tu parles comme du chien maintenant. Non, j'ai un canard par contre. Alors, en fait, c'est Michel. Non, non, je vais raccrocher. Hein. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas ton nom. Mais attends, c'est Michel. Oh. C'est l'éléphant. Ça, oui, c'est un éléphant, parce que j'ai un éléphant, par contre. J'ai pas de chien, mais j'ai un éléphant. N'importe quoi. Ça te la claque bien que j'ai acheté un éléphant. Hein. Eh ouais, parce que moi, quand je vais faire des courses dans la rue, personne ne me dérange. Je dis, c'est quoi, il a un éléphant. Wow. Alors, quand je fais pisser contre un arbre, je te raconte pas. Hein. Allô? Oui. Bon, bah, je vais raccrocher alors. Hein. Elle veut pas. Allô, au revoir. Eh ben, au revoir alors. C'était Michel. Hein, on dit au revoir, on dit au revoir, Michel. Tu peux au revoir Michel? Au revoir Michel. À bientôt. Et Jackie, beaucoup, tu me présentes même pas. Ah ben, je te présente Jackie. Bonsoir. Ah non, elle aime pas Jackie et Michel. Ah, la dernière fois qu'elle a regardé un film, elle s'en est mal souvenue. Tout de suite, on revient sur Énergie, bougez pas. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Got a Hennessy in my more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Koé, c'est comme un père pour son équipe. Oui, je sais, ses enfants sont vieux. Il n'a que 28 ans, mais bon, c'est le Nord. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Oui, dans quelques jours, le retour de Black M. Et attention, lundi, le retour de Jennifer. Ce sera la première fois qu'elle le prend en live. Hein. Vous le découvrez déjà sur Énergie, mais là, ce sera la toute première. Ah, là, ce sera la toute première. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire, les amis? On fait quoi maintenant? L'appel de bâtard. On fait un bisou à Valentin. Valentin, 17 ans, Lille. Comment ça va, Valentin? Salut Koé, salut toute l'équipe, ça va super. Ça va mon gars, je vais venir vous voir à Lille bientôt pour le One Man Fash. Enfin, bientôt, je crois que c'est au mois de janvier, hein, mais c'est bientôt. Je serai là, Koé. Sébastopol, à chaque fois que je suis allé à Lille, ça a été un délire cette ville, c'est un truc de malade. C'est vrai, hein, j'ai pas à me plaindre, hein. Le nord, le sud, toutes les régions dans lesquelles je suis allé, ça a été dément. Mais il faut avouer que le Sébastopol, c'est un 1200 places. C'est chaud. Ah ouais, 1200 places. Ah, c'est gros le Sébastopol. C'est énorme, ouais. C'est une salle qui est sublime comme tout et tout, c'est magique. Un vieux théâtre. Wow. Le théâtre. Bon, qu'est-ce qui se passe là avec ta copine, Claire? C'est bon. En fait, c'est un problème, tu sais, quand t'es pote avec une fille, et ben il y a une autre fille qui se met dans le truc, et puis après, ça se chamaille entre filles, et puis ça apprend tous les autres amis autour, etc., etc. Et ça fout la merde. Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, elle cherche à foutre la merde avec mes autres potes, etc. Mais attends, puisque c'est l'appel de bâtard, est-ce que tu penses qu'elle dit du mal dans ton dos? Oh, ça c'est sûr. Le principe, mon gars, tu l'appelles, tu lui dis oui, je sais que tu dis des trucs derrière moi, dis-le moi, enfin tu le dis comme tu veux. En gros, si en moins de 2 minutes elle balance ce qu'elle dit sur toi, tu repars avec un cadeau, on sait pas encore ce que c'est, mais ça sera beau. C'est une tablette. Voilà, ça marche, une tablette. C'est d'accord, beau. C'est bien une tablette, Samsung, ça te va ou pas? Galaxy Tab 4. Ça c'est cool. Go, allez, j'aimerais bien avoir une Galaxy Tab 4. Ça peut être difficile quand même. Ouais, j'aimerais bien, c'est pas mal ça. Ouais. Non, on a eu un jeu tabou il y a 4 ans. Ouais. C'est vrai, j'ai eu un tabou. Moi. Ouais, c'est pareil. J'ai failli avoir un docteur Maboul, mais. Non, tu dois pas. Allô? Allô, Claire? Oui. Salut, c'est Valentin. Ça va? Ça va. En fait, je t'appelle là tout de suite parce qu'en fait, je viens d'apprendre des trucs aujourd'hui et j'aimerais savoir qu'on mette tout de suite les choses à plat, quoi, parce que tu sais qu'on est un peu en froid en ce moment. Ouais. Et j'ai appris des choses que t'as dit à Saint-Jules, etc. sur moi, et j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que t'as dit, qu'on le sache tout de suite, quoi, et voilà. Sur toi? Ouais, parce que en fait, t'es un peu en froid avec Maddy, quoi. Moi par la même occasion, mais j'aimerais savoir tout de suite ce que t'as dit, quoi. Bah, j'ai rien dit du tout, c'est pour ça. J'ai un problème avec Maddy, mais toi tu m'as rien fait, donc je vois pas pourquoi j'aurais dit de la merde sur ton dos. Après, autant que tu le dis tout de suite, moi je m'en fous, après je passe à autre chose, mais que je sache tout de suite, quoi. Non, mais je veux pas, j'ai rien dit sur toi, donc je veux pas te dire un truc qui est faux, quoi. Parce que bon, ça me ferait chier qu'on se fasse la gueule, quoi, mais vraiment, là ce que j'ai appris, ça me plaît pas beaucoup, donc j'aimerais ça, que tu me l'avoues, comme ça on est tranquille, et voilà, quoi, on passe à autre chose. Non, mais je peux rien t'avouer, j'ai rien dit. T'es quelqu'un que j'apprécie, je te considère comme un pote, tu m'as rien fait. Je t'ai rien fait, je vois pourquoi j'aurais dit la merde sur ton dos et inversement. Donc des gens ont menti alors? Bah ouais, parce que moi franchement j'ai rien dit. En tout cas je peux dire que ça n'a rien à voir avec Maddy, mais c'est les autres personnes de Saint-Gilles que je connais via des potes de Gustave, mais voilà quoi. J'aurais dit quoi? Ça me plaît pas du tout. Je sais pas, à toi de me dire. Bah rien justement, c'est pour ça. À toi de me dire. Moi je sais pas. Bah franchement j'ai rien dit, donc je vais pas t'inventer un truc que j'aurais dit si je l'ai pas dit. Rien du tout. Ah, rien du tout? Même pas c'est un con ou un truc comme ça parce qu'il veut pas me parler ou des trucs comme ça. Ah, rien du tout. Eh bah écoute, rien du tout, qu'est-ce que je te dis? Il y a un moment, rien du tout, c'est rien du tout. Il y a un moment, il faut que vous preniez des gens, vous êtes sûr qu'ils ont dit du mal de vous, comme quoi elle a pas dit de mal, elle est bien cette fille. Claire, on te fait un bisou. Ah oui, on t'a pas dit qui c'était. Moi c'est Koé. Ça peut faire bizarre le mec qui rentre dans une conversation. Moi c'est Koé, on est sur Énergie. Claire, c'est très bien. T'as pas dit de mal, c'est très bien Claire. Claire, on est sur Énergie, je voulais en profiter pour dire que c'est un connard. Maintenant que j'en profite, le monde nous écoute, connard.

Voilà, je suis en vacances, donc ça va. Quel âge tu as? J'ai 14 ans. Ah, d'accord. Tu as rajeuni, Nora, depuis qu'on ne sait pas. C'est vrai. Bon, 14 ans, c'est bien. Alors, ça y est, ben, les vacances, ça démarre, là. Pour ceux qui n'ont pas le brevet, oh, qui n'ont pas d'examen, qui n'ont pas le bac, c'est là. Vous avez deux mois et demi de vacances. Enfin, et globalement, au lycée, c'est pour les secondes, les quatrièmes et les cinquièmes. C'est ça, en fait. Parce que le troisième, ils ont les brevets. Il y a le brevet de français pour les premiers. Tout à fait. Bon, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as envoyé un mail, tu me dis mes parents se sont séparés en octobre. Et ma mère a retrouvé l'amour. Voilà. Alors. Bon. Ça te dérange? C'est bien. Non, ça me gêne pas. Enfin, au début, ça me perturbe un peu, mais là, ça va mieux. Mais là, je suis encore plus perturbée depuis que ma mère a retrouvé l'amour, en fait. Mais je vais essayer de te dire un truc qui n'est pas trop de ton âge, mais elle a retrouvé l'amour ou elle l'avait déjà de côté et elle ne te l'a pas dit? Parce que souvent, dans les séparations, tu en as un des deux qui a quelqu'un. Hein. Ouais, c'était peut-être ça, mais... Et à mon avis, souvent, les parents, ce qu'ils font, c'est quand ils se séparent et qu'il y a quelqu'un, hop, ils disent aux enfants, on se sépare, on s'aime plus. Ils laissent passer quelques mois et après, maman, elle a rencontré le monsieur. Mais quand c'est normal, quand ouais, sauf que c'est pas un monsieur. Ah wow. C'est une dame. Non, c'est un poney. Ah mince, oui, elle t'a ramené une copine. C'est ouf. C'est excitant. Mais non. Ouais. Mais c'est une nouvelle. C'est une. Elle a tombé. Oh là là, c'est-à-dire qu'en deux secondes, ta maman, elle ramène quelqu'un et c'est une femme. Voilà. Ça, et vous savez, je vais vous dire un truc. Ça doit être très très chaud à annoncer à ses enfants, ça. Ouais. Quand d'un seul coup, déjà, tu quittes quelqu'un. Bon, voilà, déjà. Ça faisait longtemps qu'elle était avec ton papa? Dire que tu quittes pour une. Ça faisait 20 ans. Oh. Non, mais dire à tes enfants que t'es homosexuel, franchement, on a souvent le cas inverse. Des enfants qui doivent le dire aux parents. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le sens inverse du papa qui a été un bon papa avec maman toute sa vie, etc. Et qui va arriver voir ses enfants et dire « Alors, je vous ramène quelqu'un. Ouais. » Mais bon, accrochez-vous, il s'appelle Roger. Et je pense que... Est-ce que tes enfants peuvent te virer de ta maison, du coup? C'est possible, bien sûr. Et tu vas dans un foyer. Et elle est comment, la copine? Bah, elle est sympa. Ah bon, c'est déjà mais ça, alors. Mais ça doit faire bizarre, non, de la voir. Elles se font des bisous et tout devant toi? Bah non. Mais est-ce que ça t'a choqué dans le salon, quand elles sont dans la cuisine? Comment? Quand elles font ça, je suis dans le salon, elles sont dans la cuisine. Elles prévoient. Et est-ce que ça te gêne l'idée de ta mère avec une autre fille? En train de faire les ciseaux? Non. Les vieux ciseaux. Non. Bah non, mais ça pourrait te gêner, ça pourrait dire c'est scandaleux. Et ton père, il l'a pris comment? Il le sait pas. Ah, il le sait pas, donc il va bientôt le savoir. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle pour lui faire des gags? Je décolle. Mais non, tu plaisantes quoi. Mais comment ça a pu ne pas transpirer? J'arrive pas à comprendre comment familles, tu puisses garder des secrets comme ça, aussi gros, aussi bien auprès de ton mari que ça transpire jamais qu'auprès de tes enfants. Tu sais, quand t'es des gamins, tes parents ils t'engueulent, tu le sais, tu sais même si t'as pas envie d'écouter, les conversations, tu les entends, t'arrives à choper des trucs, donc t'arrives à savoir si c'est ton père qui a une maîtresse, si c'est ta mère qui a un amant, enfin, à connaître les raisons du divorce. Tu les connais un peu. Comment rien ne peut transpirer? Vous viviez pas ensemble ou... Mais en fait, le truc, c'est que des fois, quand elle voulait me parler, ben moi, j'étais occupée. Et une fois, je suis rentrée dans la cuisine, elle était au téléphone, elle était en train de dire « Je suis contente que tu le prennes bien. » Ouais. Et ben, je me suis dit « y a un truc qui cloche, là. » Et ben, je l'ai appris toute seule, en fait, sans qu'elle me le dise. J'ai pas compris. Pas compris non plus. En quoi t'as trouvé qu'elle avait une fille qu'elle avait une copine en disant « Je suis contente que tu le prennes bien. » Bah parce que petit à petit, en fait, elle venait souvent à la maison et... Ah, c'était une copine d'abord, quoi. Oui. Mais est-ce qu'elle la connaissait d'avant? Oui. Quand elle était avec ton papa? Oui. D'accord. Ton papa la connaît. Donc, en fait, ça veut donc dire ça veut dire que c'était une copine, elle est passée de copine à petite copine et après, elle a dégagé ton père. Voilà, c'est ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et elle a laissé passer un petit peu de temps pour annoncer qu'elle était avec elle. Non, mais, lui, il est pas au courant, donc... Schéma classique. Il la connaît. On en parle dans un instant, les amis, bougez pas, l'enquête continue. Ouais. Non, mais on veut pas savoir qui c'est, mais on va essayer de savoir, bouge pas, parce que t'as l'air embêté avec cette histoire quand même. On en rigole, mais bouge pas, il en revient. Ouais. C'est comme ça. Selon un nouveau sondage, écoutez bien, je trouve ça dingue, 4% des Français ont déjà demandé le divorce après une défaite de leur équipe de foot favorite. Non mais c'est que ça allait pas depuis le début, tu peux pas prendre une décision comme ça. Ah bah c'est l'excuse la plus nulle. T'arrives genre bonjour, je veux divorcer. Pourquoi ? Pour adultère ? Non, pour pénalty. C'est très étrange. Rendez-vous lundi, 6h-9h30 sur Énergie. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. 4 steaks hachés origine France à 2,52 euros. Du 15 au 17 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la barquette de 4 steaks hachés de 100 grammes, pur bœuf, 15% de matière grasse, à 2,52 euros, soit 6,30 euros le kilo. Inutile de résister. Du steak haché comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si on parlait véhicules d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion. Oui, tu m'as dit, oui. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1 euro de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Kinvé, que des tubes sur son nouvel album. Disponible dans une nouvelle édition collector. Inclus 6 nouveaux titres. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Pendant l'Euro, il y aura 72 goals, 192 défenseurs, 144 milieux de terrain et 144 attaquants. Tous ces joueurs joueront dans la même équipe. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Alain Afflelou, ça y est, c'est parti l'été fou ? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour un euro de plus ? Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou ! C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour un euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et profiter de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. Joséphine Sarandi, maintenant en DVD. Bonne nouvelle, Gilles et Joséphine seront bientôt 3. Je crois que j'ai pas l'instant maternel. Joséphine Sarandi de Marie-Lou Berry. Imagine si cet enfant hérite de mon cul. Je suis pas grosse, je suis enceinte. La comédie événement, maintenant en DVD, Blu-ray et VOD. Papa, il y a quelque chose à part ça ? Venez à Port Aventura World et vivez un monde d'émotions avec des spectacles incroyables. Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park et de magnifiques hôtels thématiques. Port Aventura World, un monde d'expériences uniques. Entrée plus hôtel jusqu'à 50% de réduction. Réservé dans votre agence de voyage ou sur portaventuraworld.com. Et ben voilà, ma facture internet a encore augmenté. Manquait plus que ça. Bah oui, mais prends de bonnes résolutions. Viens chez Free. Tu crois ? C'est comment chez Free ? Ultra simple. Et surtout avec la Freebox Révolution, tu n'as que de bonnes surprises. Le très haut débit en fibre optique, les appels vers les mobiles inclus, un lecteur Blu-ray, tout pour être heureuse, quoi. Merci, Free. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Mais c'est arrivé. Je me suis assoupie. 2 ou 3 secondes, peut-être. Pas plus. Enfin, assez pour avoir un accident. Dans la voiture que j'ai percutée, il y a eu un blessé grave. Un enfant dont j'ai gâché la vie. Chaque nuit, je revois son visage. Contre la fatigue au volant, vous serez toujours perdant. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate de 30% sur une large sélection de vélos adultes et enfants. Oui, 30% de remise sur les vélos pour toute la famille. Géant pour vos balades en famille, non? Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end. Mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé. Mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super! Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Black M est de retour. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Maintenant disponible. Enora, on le reprendra dans un instant, elle sera avec nous. Donc si je rappelle que c'est la demoiselle, la maman a quitté papa et maman est partie avec une femme. Ouais. Ouais. Bon. Incroyable. Hein, ça peut être. Ça arrive. Hein. Il y en a. Personne n'a vécu ça dans le public. Papa ou maman qui est parti d'un côté, mais avec non, ça va. Bon, ça reste assez rare quand même. Ah, c'est pas si rare que ça. Je crois que c'est. Il y a beaucoup d'hommes. Mais je crois que c'est des secrets et que les gens n'en parlent pas trop. Mais c'est pas maintenant. J'ai connu cette histoire-là avec un homme. Ouais, c'est. Ben moi, j'ai connu un copain qui a laissé tomber sa femme et un jour il a dit à ses trois enfants, papa, il arrive avec un copain. Ouais. Ah mais un copain avec qui papa il met des choses dans les fesses. Voilà. Et les parents, les enfants, il y a ceux qui les plus petits l'ont pris cool, les plus grands l'ont pris. Il a fallu du temps. Hein. Ouais. Non, je pense que c'est. Bon et en tout cas une info qui est sortie, il paraît que Superman est le super héros le plus fort. C'est sorti dans le journal d'aujourd'hui. C'est le résultat d'une étude menée pendant 7 ans. Putain, les mecs ont que ça à branler. Hein. Ouais, ils ont 7 été payés années très de cher, recherche hein. Par les chercheurs. 7 ans par des étudiants de l'université de Leicester qui disent que Superman, c'est le mec le plus fort de tous les super-héros. N'importe quoi, les Britanniques. Eh, les n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Parce que, excusez-moi, la plus forte, c'est Joséphine en Scotland. Ah, je l'ai vu, elle claque des doigts, elle est super forte. Reste avec nous, dans un instant, on aura la demoiselle, on aura une aura qui sera de retour. What's left? à la maison puisque maman est donc devenue est-ce qu'elle t'a dit officiellement je suis devenue lesbienne? Oui. Ah bon, d'accord. Ah oui, bon bah là c'est fait. Mais moi ce que je voulais savoir c'est que le père du coup la connaît, mais est-ce que cette nana avait déjà des filles à l'époque ou elle était avec un autre mec? Bah non, elle était seule quoi. Ouais, voilà, il me semble qu'elle était seule. Parce que le père la connaît, c'est dingue. Peut-être que le père l'a kiffé aussi un peu. Peut-être. Ouais, il aurait pu se mettre bien. Ah ouais. Et ton père, alors, de son côté, qu'est-ce qu'il a, lui? Il fait quoi? Je sais pas trop. Il rencontre un peu? Il a une nana? Non, je crois pas. Tu nous as dit, moi, j'ai mon père, je l'ai vu, il est sur un site de rencontre. Ouais, mais après, je suis même pas sûr s'il sort, quoi. Oh merde, le pauvre. Il est moche? Non. Ils ont quel âge, tes parents? Ma mère, elle va avoir 44 et mon père, il a 48. Ouais. Ah, et c'est l'âge où il faut se recaser vite. Mais il y en a, attendez, il y en a sur le marché des femmes de 45, 50 ans qui cherchent. Hein. Ouais, mais après, ça dépend de le père comme il est, si c'est s'il a blanc, pépère. Physiquement, il est comment? Parce qu'à 48 ans, t'as les deux trucs. Hein. Voilà. T'as le père sportif ou t'as le père. Bedonnant. Merci. Non, mais même le côté pépère, si c'est pépère télé, va retrouver une meuf, toi. Bah, non, tu peux être pépère télé, trouver une nana qui est mère télé. Ouais, mais il faut faire les démarches, les machins et tout, tu vois, c'est un état d'esprit. Il est comment ton père? Il est plus pépère télé ou plus télé. Hugo Boss? Ni l'un ni l'autre, en fait, je pense. Ah bon? Bah, il fait du sport quand il rentre le soir. Enfin, c'est du sport, c'est juste 30 pompes comme ça. Ce qui est déjà bien, c'est déjà bien. Il y a des mecs qui sont pas capables d'en faire deux. C'est vrai? Oui. Bon, mais physiquement, il est gros, il est pas gros, il est comment? Bah. Tu sais pas si ton père est un peu gros ou pas gros? Mais non, mais je sais pas, enfin, je sais pas vraiment comment le dire, quoi. Mais il a des potes, il sort un petit peu avec ses potes, machin, ou il reste tout le temps chez lui à regarder la télé? C'est non, il reste à la maison, enfin, quand il sort, je le vois même pas sortir, en fait. S'il sort, c'est quand je suis chez ma mère. Ouais. Ah oui, ça, on fait tout ça. Donc, quand t'as des enfants, tu sors pas quand ils sont là, tu sors la semaine où tu les as pas. Exactement. Non, mais quand c'est comme ça, sinon il y a le plan avec les collègues, c'est toujours. Non, et puis ça dépend où il habite, les amis, ça dépend où il habite aussi, parce que t'as des endroits, je sais pas si t'habites dans une petite ville ou une grande ville, t'as des endroits, tu peux sortir, il y a rien à faire. Hein. Oh, aller chez des potes, quoi. Vous rigolez ou quoi? Il y a des trous perdus en France, tu peux sortir, t'es célibataire. Oui, mais il y a toujours une grande ville à 15 km où t'as des trucs, où tu peux aller sortir et boire des coups avec tes collègues. Oui, quand même. Ceux qui nous écoutent, là, qui sont célibataires, qui habitent un village de 100 ou 150 personnes, crois-moi que quand tu l'es sorti le soir, elle n'existe pas, hein, tu sais pas où aller. Et dans les petites villes, la première petite ville, elle va être à 15 minutes et c'est pas ouvert avant le vendredi soir, hein, tout est fermé la semaine. La motivation est différente. Non, quand t'es à Paris, tu sais que c'est ouvert, tu sais, rencontrer dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lille, etc., c'est facile. Des fois, t'habites dans des bleds, tu rencontres pas, y a personne. Tu prends des badous, t'es obligé de mettre un rayon de 130 km. Les fichots de ta région. Non, de toutes les régions. Oui, la région les fichots des pays d'à côté, je suis preneur. Non, mais c'est un peu le cas. Moi, j'ai des copains qui sont célibataires dans des petits bleds qui sont restés en Picardie. Ben, ils trouvent pas. Mais ils trouvent pas. Parce, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas. Donc, Et puis, il va y avoir un autre truc à gérer. C'est que du coup, ça va commencer à jaser dans le voisinage et tout, là, chez toi. Là. Ah, c'est t'es dans une grande ville ou un patelin? Non, c'est pas très grand. Ah bah maman lesbienne, ça va parler. Hein. Ouais, ouais. T'es prête ou pas? Parce que tu vas affronter. Bah non, mais si, il faut l'attendre. Ça a pas l'air de la déranger. Non, mais elle, ça la dérange pas. Mais faut que tu te prépares à avoir les critiques des copains ou des copines qui vont dire, hey, ta mère, elle est gouine. Oui, mais maintenant, c'est moins. Mais c'est moins quoi? Et même dans le voisinage, les voisins. T'habites dans un petit patelin, ta mère, elle sort avec une femme. T'habites dans un village, oui. Et ça fait parler tout le monde, enfin. À chaque fois qu'ils vont tondre la pelouse, les voisins, ils vont être morts de rire. Hein. N'importe quoi. Elle est nulle, cette vanne, mais nulle. Bah ouais, mais bah non, je l'ai pas capté tout de suite, moi. Je pense que personne l'a compris dans le public, mais nous, on a compris. Et Nora, tu t'as prévu ça un peu ou pas? Non, surtout qu'en fait on parle pas autour de nous. Mais en fait, t'inquiète, les gens ils vont en parler à ta place. Quand ils auront chopé ta mère avec la nana et qu'ils l'auront vue. Mais peut-être qu'elles se montrent pas justement, elles font hyper mais attention. À un moment tu te montres, quand t'es homo, tu vis pas caché dans une pièce dans le noir. Mais non, mais après tu peux sortir au restaurant, faire les courses sans forcément te rouler des pelles à chaque coin de rue. Excuse-moi, quand t'es un couple homo, à un moment donné tu vis comme un couple hétéro. Oui, tu tiens la personne de la main dans la rue, tu la prends contre toi, tu vas pas dire. Et surtout, faut pas montrer qu'on est homo. On est d'accord. Tôt ou tard ça va se savoir. Peut-être que dans un village, elles ont pas envie que ça. Mais même si elles sortent pas, c'est mais déjà. Ça va, si personne n'est au courant. Rien que la voiture qui se stationne devant la maison régulièrement, c'est mort, c'est fini. Ah machin, il va bien souvent la voir. Depuis qu'elle est machin, il manquerait pas. Mais c'est mort, tout le monde parle dans les villages, donc ça à foutre. C'est vrai. Donc Enora, alors quel est le problème finalement? Oui, tu prends bien. Oui. Tu prends bien que maman soit homo. Tu papa finalement, oui. Bah alors où est le souci? Qu'est-ce qui te perturbe? Je sais pas, ça me fait bizarre en fait qu'ils essayent de retrouver l'amour en fait. Alors, il faut que tu te dises un truc, c'est que la vie de tes parents enlève l'étiquette de parents, c'est la vie de gens qui sont amoureux ou qui ne sont plus amoureux. C'est-à-dire que ton père, il va avoir des nanas parce qu'il va pas vivre seul, et ta mère, elle a déjà trouvé une nana. Voilà, l'étape d'après, quand il y en a qui nous écoutent où les parents se séparent, l'étape d'après, une fois que vos parents vous ont dit qu'ils se séparaient, bah, dites-vous qu'ils vont vous ramener quelqu'un. Alors, ils vont peut-être vous ramener quelqu'un de super, quelqu'un de très con, quelqu'un qui va pas rester longtemps, parce que il va peut-être vous ramener quelqu'un, puis deux mois après, il va vous dire, c'est fini. Ouais. Donc voilà, il vous ramènera pas une deuxième mère, ou il vous ramènera quelqu'un qui vous allez voir souvent, qui sera votre nouvelle belle-mère, ou nouveau beau-père. Voilà, et qui n'est pas là pour remplacer l'autre, qui est là pour faire du bien dans la vie d'un de vos parents. Et si possible, en plus, s'il est cool avec vous, dites-vous que ça vous fera des bons week-ends. Mais si, c'est ça qu'il faut se dire. Ah, mais c'est dur pour le coup, faut la comprendre. Non, c'est pas. Ouais, mais c'est dur jusqu'à ce que l'autre te ramène la personne et puis que les week-ends deviennent. Tu sais, à mon avis, quand tu vas chez ton père, il est tout seul. Il fait tout seul. Il est devant l'ordi, il est devant la télé. Il se fait chier, il doit pas vous le montrer, ton père, mais il doit être mal. Le jour où il aura une nana et que la nana vous fera à bouffer, des petits barbecues, des petites surprises, ben, tu vas voir que ton père, tu le verras revivre. Hein. Mais du coup, elle va se retrouver avec une mère et deux belles-mères. Ça fait beaucoup de nanas chez vous. Hein. Ouais. Peut-être que son père va changer aussi, hein. T'imagines? Bah, t'imagines? Et si ton père te ramène un mec? Là, je sais pas trop comment je vais réagir. Ouais, ça serait tendu, ça fait beaucoup d'un coup, je suis d'accord. Je te fais un gros bisou, Enora, t'inquiète pas, te prends pas la tête. Je sais que t'as 14 ans, tout ça, ça te fait réfléchir, mais si tes parents sont cool, ça va bien se passer. Bisous, ma belle. Ouais. Bienvenue sur Énergie, on est la première émission de France grâce à vous. Et la semaine prochaine, on fête le fait d'être numéro 1 en Belgique avec une émission à Walibi. Oui, avec 300-400 personnes qui sont dans la salle, ça va être énorme. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones. beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Sur Énergie, c'est cette équipe de tarés qui vous donne des conseils. On est mal, on est très mal. On est mal. On est très mal, patron. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. On est mal, on est très mal. On est très mal. Voici le Ils sont cool ou pas sur Énergie, alors que la semaine prochaine, là c'est Julian Peretta qui vient tout à l'heure, mais la semaine prochaine, Kim V, c'est la semaine prochaine. Oui, aussi. Ah, c'est bon ça. Non, ça c'est Little Mix. Kim V, c'est lui. J'aime bien son morceau breton là. Ben c'est pas. Non, c'est. Ouais, c'est pas si, le nouveau. Oui. Il y a tout nouveau. Bien la cornemuse. Il y en a encore un autre. C'est il y a un nouveau. Ouais. Il y a un nouveau. Encore un nouveau. Mais oui, mais c'est bien que tu suives, Pietre, par contre. C'est pas mal. On en a parlé on plein de fois qu'il y avait un nouveau moment, qu'on vous dit. Ouais, ouais, mais j'ai le droit de dire que j'aimais bien celui-là. Ah oui, tu dis ce que tu veux. Bien, mademoiselle Valérie. C'est pas le breton non plus. Tu mais, non, laisse. J'ai bien dire, j'aimais bien son morceau. Écoutez, breton. Laissez Pietre, okay. C'est ce qu'il veut. Il découvre chaque jour des gens de cette équipe, il ne savait pas. Il est obligé chaque jour de regarder le poster pour savoir s'ils font partie de l'équipe. On est quel moi, je m'appelle Jérémy. Hein. Mais t'es pas sur le poster. Il ne croit pas, il ne croit pas. T'es pas sur le poster, donc. Attention, voici le Ils sont cool ou pas. Vous connaissez le principe, vous pouvez jouer chez vous à la maison, vous prenez un nom de truc qui a l'air cool. Et c'est le moment de vérifier s'ils sont cool et s'ils ont de la patience. Aujourd'hui, nous avons Cool mon PC. Et cool mon PC, c'est de l'assistance informatique et internet. Je vous préviens, je vais être un gros con. Le but du jeu, combien de temps tiendront-ils avant de raccrocher? On y va. Ouais. Je sais pas s'ils vont tenir longtemps. Quoi? Je sais pas s'ils vont tenir longtemps. Ah, tu crois qu'ils sont pas cool, ah, toi? Je sais pas. Ouais. Ils n'ont pas le temps, souvent. Ouais. Ils ont pas un appel à prendre. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est cool mon PC? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle parce que mon fils m'a offert un ordinateur portable. Oui. Avec Windows 10, Windows. Windows 10. Ouais, j'y comprends rien, ça me casse les couilles ce truc, je vous jure, c'est insupportable. Donc, ça me dit d'installer des antivirus de merde. Tout ça. Je vais vous passer le technicien. Ah, c'est gentil parce que. Merci. Ne quittez pas. Cool. Première étape. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bon, j'expliquais à votre collègue, là, il y a deux secondes, là, que mon fils m'a offert un ordinateur là, avec Windows... Windows 10. Voilà, et c'est bon, insupportable, ça me casse les couilles toutes ces histoires-là. Ça me demande d'installer des mises à jour, des anti-coagulants, là, je sais pas comment ça s'appelle, les antivirus, là. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez bien vous déplacer chez moi? Parce que moi, j'habite à Sens, ça me saoule, je veux pas en entendre parler des installations. Vous pouvez vous faire ou pas? Pour faire quoi? Bah, viens l'installer, viens faire votre boulot quoi. Le faire viens installer quoi, Windows 10, vous l'avez déjà? Oui mais enfin je comprends rien là, faut m'installer des trucs, il me dit de valider des trucs, de mettre des numéros, je comprends que dalle. D'accord, oui. Donc vous faites ça ou pas? Oui, bien sûr, oui. Bon, ça, ça coûte combien de vous faire venir pour une formation? Une formation, ça dépend de combien d'heures. Bon, une petite formation, quoi. Bah, ça dépend, c'est 45 euros de l'heure. Après, oh putain, vous vous faites pas chier. 45 euros de l'heure. Oui. Mais c'est pas réglementaire, c'est pas 10 euros ça en théorie, c'est pas 9 euros. Bah, si vous trouvez à 9 euros, tant mieux pour vous, monsieur. 45 euros, vous faites quoi spécial à ce prix-là? Bah, rien. Je peux pas acheter un ordinateur, je veux des cours. Je l'ai l'ordinateur, je veux des cours. On est les moins chers de sens. De sens? Ah, oui. Et si je veux des cours sur internet, ça va être encore plus cher? Faut que je me coupe une couille ou quoi? Comment on fait? Parce que là, c'est cher quand même. Hein. Bah, non, bah, c'est le tarif, monsieur. Ouais, on. Bon, c'est cher quand même. Hein. Moins cher de sens, moins cher de sens. J'ai pas vérifié, mais il y a peut-être que vous, non? Ah, bah, vous pouvez vérifier, y a pas de souci. Bon, soyez pas aigri, monsieur, hein, soyez pas désagréable. Hein. Je ne suis pas désagréable. Si. Là, je vois la vie de geek du mec qui est devant son ordi toute la journée, qui a pas de vie sociale et qui joue sur les réseaux. Il y a un moment, faut pas. Non, mais c'est vous qui commencez à être très désagréable. Non, monsieur, c'est pas parce que vous pourrissez la nuit, la vie en jouant, en ayant un nain sur vos jeux en ligne là, que vous devez pourrir la mienne, monsieur. Moi, je suis un homme normal. Mais monsieur, vous me connaissez? Comment? Vous me connaissez? Non, mais je j'analyse. Non, bon. Non. Ouais, non, mais... Ça vous fait kiffer de jouer sur les jeux vidéo? Moi, je trouve ça ringard. Mais moi, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, monsieur. Arrêtez, vous jouez aux jeux vidéo, bien sûr que si. Bon, allez vous faire foutre. Oh là là. Eh, ils sont... Eh, cool mon PC, là. Oh là là. Je savais qu'il y avait pas... Il n'était pas... On y retourne. C'est la première fois qu'on en a un qui insulte. Allez vous faire foutre. Allô? Oui? Oui, bah je comprends pas, on m'a raccroché au nez, là, j'étais en pleine discussion informatique. Bah, je sais pas, vous parlez de qu'il est assez un geek ou je sais pas quoi, qui fait que des jeux. Bah et alors, c'est pas grave, non? C'est pas une insulte quoi, d'être un geek. Bah je sais pas, après il y a... Il m'a dit d'aller me faire foutre. Dis donc, il est où le cool bon PC là? Il m'a dit d'aller me faire foutre. Bah c'est peut-être parce qu'il le pensait. Bah ouais madame, enfin c'est pas une explication madame. Bah après le respect va dans les deux sens, monsieur. Bon, enfin le respect hein, madame, je lui demande quand est-ce qu'il vient, parce que moi je suis pas comme vous, je suis pas un branleur derrière mon ordinateur, j'ai pas que ça à foutre. Alors là on va se calmer, vous allez pas insulter le monsieur, parce que c'est pas un branleur. Bon enfin j'ai pas dit ça, je dis je suis pas un branleur comme vous, je vous ai mis dedans alors, aussi, y'a pas que lui. Je suis pas un branleur comme vous, donc vous l'insultez de branleur. Donc non, vous aussi, calmer, non vous aussi, non vous aussi. C'est moi qui vais monter dans les tours. Madame, y'a pas d'accord, que lui, le vous respect, aussi. Ça va dans les deux sens, monsieur. Mais madame, j'ai dit je suis pas comme vous à me branler derrière mon ordinateur, vous étiez vous aussi. Eh ben ça veut dire quoi? Qu'il se branle derrière son ordinateur? Non, ça veut dire monsieur, non, ça veut dire vous aussi. Il se branler lui. Non, si vous en avez pas, bah, bonne chance pour vous. Madame, continuez à vous branler. Ça veut dire vous aussi. Pourquoi faut que je me branle, madame? Allô. Ouais, elle a dû répondre. Je pense que c'était sa femme tout simplement. Oui, mais je montais dans les tours. Hein, on y retourne ou pas? Ouais. On y retourne. Alors, un petit coup. Prends rendez-vous. Bien sûr, là je prends rendez-vous. Que Piette les prenne. Ça reviendra au même. Tu les insultes. Tu vas les prendre. Ouais. Allô? Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que je recherche une formation pour mon PC ou je sais pas, enfin c'est un PC, on dit un PC? Oui. Oui. Alors attendez, ne bougez pas, ne quittez pas, je vais voir avec mon mari. Hein. Ouais, dis vous venez quand là les branleurs de l'informatique là? Vous venez quand chez moi? Moi je vous préviens, il n'y a pas avec les sites de cul qui m'intéressent, donc il faudra me montrer comment ça marche. Allô? Il est là le geek? Ils peuvent plus, ils en peuvent plus. T'as raison chérie, c'est vraiment des branleurs. Ils s'en peuvent plus. Monsieur, c'est pour rigoler, je m'appelle Koé. Vous êtes là ou pas? Madame, monsieur, vous m'entendez? Ils ont posé le combiné, je crois. Ouais, ils ont posé le combiné? Ouais. Le vieux nom sur l'autre. Non, ils ont pas posé le combiné, je suis sûr qu'il y en a un qui écoute encore. Monsieur, t'es là? Si vous répondez pas, on appellera pendant 24 heures d'affilée. Madame? Ils ont posé vraiment. Ouais, madame, elle fait autre chose. On va écouter. Bon, vous m'entendez pas? Allô? Ah, tant pis, hein? Ouais. Eh ben, tant pis. Vous, okay, si les gens ils vont vous prévenir, ils vous diront que je m'appelle Koé, ouais. Qu'on voulait vérifier. Pas cool mon portable. Pas cool mon PC. Allez, gros bisous, on vous embrasse. Bah, je sais pas pourquoi je dis ça, ils sont pas là. Allez, au revoir. Au revoir. Eh ben alors. C'était une blague. Bah, j'écoute depuis tout à l'heure. Eh ben, fallait parler. J'attendais d'aller jusqu'au bout. Eh ben, fallait parler. Ah, bah, j'osais pas. Bon, allez, applaudissez-le, ce monsieur, parce qu'on a été très désagréable. On a été désagréable quand même, hein. Bravo à vous. Pas trop, ça va. D'accord. Ah, pas trop, ça va. Maintenant, tu peux me le dire, tu joues aux jeux vidéo. Non, même pas. Bon, allez, gros bisous, à bientôt. Ouais, au revoir. Salut, bon courage. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Julien Peretta qui sera là, des questions, des trucs à dire, des bonjours. Coyoteenergie.com, vous allez sur notre Facebook, vous allez dans messages, vous laissez des messages et je vous réponds parce que chaque fois vous dites ouais, je laisse des messages. Mais me laissez pas forcément un message. Oui. S'il y a des trucs importants, vous en laissez plusieurs. Bah oui. Parce que des fois, c'est oui, je t'ai écrit, tu m'as pas répondu, bravo. Ah bah bravo, bien vu. Hein. Restez là, Julien Peretta sera là tout à l'heure. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. News. Justin Bieber, Selena Gomez, Beyoncé, Juan, Pharrell Williams, Maître Gims à Carcassonne, Rihanna à Stockholm. Dès que vous entendez le double hit énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar énergie préférée. Les plus gros concerts de l'été en France sont des concerts. Energy! Hit music only. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon.

me balade en paille. Parce que il y a un site porno qui a lancé une étude sur ce qui... Alors les filles, ça va pas vous parler, c'est un truc de mec ça. Ah si, c'est quoi? Ah non, c'est sur ce qui fait jouir les mecs le plus vite sur un site porno. Parce que c'est marrant ça, les sites porno. J'aimerais un jour qu'on m'explique pourquoi on est fait différemment. Pourquoi les hommes vont volontiers sur un site porno quand on... Parce que nous c'est ça, on a deux secondes à tuer, hop, on va sur un petit porno. Vous les filles, quasiment jamais, c'est rare. Apparemment, de plus en plus. Hein. Ah, c'est rare. Je suis sûr qu'on interroge toutes les filles du public. Il n'y en a pas une qui va nous dire qu'elle y va. 14 ans, oui, mais regarde Julie, elle le fait. Bah, c'est vrai, toi. Je le fais de temps en temps, mais je veux pas non plus. Tu vas mater quoi? Catégorie? Il y a Stouff qui essaye de se cacher là-bas. Catégorie quoi? Moi, je suis à plusieurs, moi. Je suis... Ouais, t'es dans le gang-bang. Ton fantasme, quoi. Ouais, voilà. Stouff, tu vas voir quoi, toi? Comme Julie, en fait. Ah, bah, vous êtes, c'est bien, vous faites plusieurs dans la même pièce. Oui, bah, on s'est déjà dit. Hein. Ouais, de temps en temps, ouais. Mais tu vas vers quelle catégorie? Ça dépend. Ouais, plusieurs. Non, plusieurs, pas trop. Les femmes, parfois aussi. Des trucs. D'accord. Bon, très bien. J'ai le classement. D'abord, on a le timing de la moyenne de la branlette sur Internet. Alors, c'est pas très classe, mais il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Ouais. 9 minutes 20 secondes. Mm-hmm. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que les mêmes qui vont en moyenne, c'est, bon, ça veut dire qu'il y en a qui le font en 35 secondes, il y en a, c'est 23 minutes hein, aussi. Ouais, hein. Ouais, ouais. C'est une moyenne. Hein. Et les trois catégories qui font jouir le plus vite sont, et je ne sais pas ce que c'est, ah si, rousse. Ouais. Rousse. Les rousses, les rousses. C'est bizarre. Hein. C'est la catégorie qui fait jouer le plus vite, rousse. Ouais. Non. Hentai. Hentai, c'est quoi? Ça, c'est les dessins japonais. Les dessins japonais, ouais. Dessins animés de cul. Ouais. Vous êtes sérieux? Parce que des fois, ils te font des. Les gens, ils vont regarder les mangas 3D de cul. Ouais, c'est ça, en gros. Ouais. Bon. Et blonde. Ah, c'est bizarre, aucune des catégories que je veux voir. Ça. Tu vas jamais voir les blondes? Non. Mais je vais jamais sur un site porno, j'ai tapé blonde brune. Tu tapes quoi, toi? Je tape rien. Joli sourcil. Moi, je prends dans Selection of the Most Popular. Moi, je prends. Ouais, mais des fois, souvent, t'arrives sur des trucs amateurs. Moi, l'amateur, je trouve ça dégueulasse. Mais l'amateur, c'est ce que j'aime. Most popular. Moi, l'actrice, ça m'intéresse pas. L'actrice, elle fait ça toute la journée, ouais, ça n'a pas de charme. L'amatrice, ça peut être ta voisine, ta collègue, la demoiselle du premier rang à gauche, qui me dit quelque chose. Non, mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est excitant. Ouais, moi, et à l'inverse, celles qui font venir le moins vite. Ouais. Vieux et jeune. Bah, forcément. Ah, j'ai déjà vu ça. Ouais. C'est glauque. Ah, beaucoup, c'est des vieux malsain, avec des jeunes filles. Malsain. Mature. Ah, c'est les vieilles, quoi. Les gays. Ouais, bah quand t'es pas dans le délire, oui, forcément. Bah, je pense que pour les gays, c'est ce qui fait venir le plus vite. Mais c'est vrai que si t'es hétéro, gay, ça va prendre du temps. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, ça fait pas chaud quand tu tombes sur un truc. Il y en a toujours une qui traîne de vidéos gay. Et tu vois des mecs avec des. Tu fais. Mais non, mais ce qui est insupportable, que j'ai jamais compris dans les pornos, c'est cette volonté de vouloir, au moment de la jouissance du mec, de ce gros plan sur la tête du mec. Ouais, parce que gros plan sur la tête de la fille qui fait ah, c'est beau. Et toi, t'es là, t'es chaud patate, et d'un seul coup, t'as 10 secondes sur le mec qui fait j'ai l'impression que ça se fait plus. Ça se fait encore, j'en suis tombé sur un la dernière fois. Bah, tu l'as regardé quand? Moi, je suis par hasard. J'en ai rien à voir, madame. Je cherche un documentaire sur les hélicoptères sur RMC Découverte. Bien sûr. Ou un reportage sur Adolf Hitler. Tu as remarqué sur RMC Découverte? Tous les vendredis, il y a un reportage sur Adolf Hitler. C'est les thèmes en fait. Vendredi, c'est nazi. C'est leur thème. Ouais, c'est ça. Mais vous penserez à moi, vous regarderez le programme télé. Vendredi, sur RMC Découverte, des nazis. Ouais, mais du coup, ils ont tout fait. Ils en sont aux recettes de cuisine d'Adolf Hitler, machin, parce qu'ils ont tout fait. Là, ils retrouvent des nazis. Là. Ouais, c'est porté disparu une nazie. Là, parce qu'ils font faire la suite, ils en ont plus. Allez, à tout de suite. I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. you, cause they are all the same. Mm-hmm. See, I would rather we just go a different way than play the game. Mm-hmm. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing. About a thing. No. Écrite, si je vous dis Stéphanie qui piégeait sa fille Manon, est-ce que quelqu'un se souvient de quoi il s'agissait? Je m'adresse à Loris. Oui, Loris, t'es beau dans la vidéo avec Kev Adams. Voilà, t'es très beau. Elle a dit qu'elle a trompé son mari, le papa, non? Oui. Tu te souviens de ça? Ouais. Elle dit, c'est la mère qui fait un piège à sa fille. Tu m'empêches de faire allemand pour un espagnol pourri? Eh oui, elle dit qu'elle sort avec un prof d'espagnol. Tu vas avoir un nouveau père? Qui est prof d'espagnol. Et non mais c'est bon quoi. Ah non mais moi tu me changes de collège de suite. Ah ouais. C'est la fille qui faisait la morale à la mère. Et tu me changes de collège de suite. Je veux même pas le voir ton mec hein. Je veux pas le voir. Écoutez ça, c'était énorme, il était bon celui-là. Allô maman? Allô, oui? Oui, c'est moi. Ah oui maman, ça va? Tu fais quoi? Rien, là je vais partir à la crèche. Chercher Jade. Je vais aller partir à la plage après, mais tu surveilles Jade? Ouais, elle est avec moi, t'inquiète. D'accord. Tu fais quoi? T'as fait tes devoirs? Ouais, je viens de les finir, là. Ah, et t'es pas sur Facebook, j'espère? Non. D'accord, ok. Tu sais, Manon, t'es grande maintenant, t'as 14 ans. Ouais, je suis grande. Pourquoi tu oui, mais pas pour tout. Hein, pas pour tout. Alors, dis pas que t'es grande pour tout. Et puis, j'aimerais bien te parler, un peu. Tu sais, des fois, on essaie de parler, mais on s'engueule tout le temps en ce moment, donc c'est pas facile. Voilà, oui. Mesdames, c'est tout. Donc, maintenant que tu es assez grande, j'aimerais essayer de te parler pour que tu comprennes des choses. Ouais. Voilà. Donc, quand tu es assez grande pour comprendre, j'aimerais te dire juste qu'au jour d'aujourd'hui, je trompe papa. Quoi? Tu me viens de maintenant me dire que tu es assez grande pour comprendre, je trompe papa. Non, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai déjà essayé de t'en parler le soir quand je prends mon bain. Que je te dis, viens parler, et à chaque fois, t'es pas dispo, mais non, mais tu fais pas bien tout ce que je te dis. Et comment on va faire pour Jade et Thibaut? Non, mais tu penses à nous, au moins? Manon, ça peut avoir des avantages. Tu sais pas, tu connais pas. Manon, tu vois, à chaque fois qu'on essaie de parler, tu m'énerves. Là, déjà, on ne descend pas. Non, mais Manon, tu descends d'année. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vas nous faire vivre, là? T'es au courant, là? De quoi? T'es consciente? Bah, Manon... déjà, j'essaie de te parler gentiment. Je te demande pas déjà de... Mais de oui, mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que pour toi, c'est facile de dire ça? Tu me balances ça, comme ça, comme si t'étais heureuse. Mais est-ce que tu crois que pour moi, c'est la joie d'apprendre ça? Bah, écoute, Manon... déjà, c'est un client de la boulangerie, c'est quelqu'un de très gentil. Donc, je sors avec un client, il s'appelle Rosé. Et en plus, il est espagnol. Ah, super. Donc, moi, c'est... Hein bah, ah, ouais, peut c'est un alors, Manon, c'est... peut-être. Alors, c'est pour ça que tu m'as obligé à faire espagnol? Bah, Manon, espagnol ou pas, c'est important dans la vie. Finaise. Et puis, tu m'empêches de faire allemand pour un espagnol pourri. En plus, José. Oh, mais super le prénom. Le prénom, parce que tu crois que tu choisis un homme par rapport au prénom dans ta vie? Tu crois que t'es chérie, tu les as choisis par rapport à ton prénom? Mais et est-ce que papa il est au courant? Là je t'en parle à toi, Minette. Je pars pas avec les autres. Mais je vais lui en parler ce soir, tiens. Ça va lui faire la grande joie. Ah, ça va faire la grande joie. Ah, parce que tu veux jouer à ça. Content, hein. Tu veux jouer à ça. Hein. Ouais. Bah, je ne paye pas pour que tu ailles le dire à ton père, je te parle pour parler entre nous, entre filles. Ouais, mais c'est pas des choses qui se disent entre mère et fille. Bah, t'es assez grande pour comprendre les choses maintenant. Ah ouais. T'as bien eu des chéris à l'école. T'as bien... t'es grande maintenant, à un moment donné. T'es plus dans le monde des bisounours, c'est Manon. Tu le sais, hein. Ouais, ouais, et tu crois que c'est facile de balancer ça à sa fille de 14 ans. C'est bien. Et puis, on s'engueule beaucoup. Et puis, à un moment donné, tu vois qu'avec ton père, c'est plus vivable. Donc, pour moi, en plus, c'est un renouveau. C'est actuellement, je retrouve une nouvelle jeunesse. C'est bien pour moi. Tu devrais être contente. Super, hein. Alors, j'ai une mère qui pense qu'à l'amour. Alors ça, c'est super. Enfin, à l'amour, mais à mon plaisir aussi. Ah, mais non, mais... Je veux même pas le voir, ton mec, hein. Je veux pas le voir. C'est important le plaisir, Manon, dans la vie. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Bah, oui, c'est important. T'aimes bien, faut avoir des plaisirs. Tu sais quoi, si toi et papa, vous devez vous séparer, eh bien, j'irai vivre chez lui. Voilà. Faut tout gagner, oui. C'est bien. Ça, c'est pas toi qui choisis, Manon. En plus, il y a un truc, un avantage qui est super bien que je t'ai pas dit. Il est espagnol, ça, je te l'ai dit. Là où c'est bien, c'est que quand tu vas rentrer en quatrième, il est prof. Il va, José, il est prof. Il va pouvoir t'aider pour apprendre toutes les leçons quand tu vas rentrer. Ah, super. Alors maintenant, je vais avoir un nouveau père qui est prof d'espagnol. Et non, mais c'est bon, quoi. Ah non, mais moi, tu me changes de collège de suite. Hein. Surtout s'il est... Mais maintenant, t'auras la moyenne, au moins. Ah, ouais, super. Hein. C'est ça qui va me faire augmenter ma moyenne. Mince. Moi, je voulais faire allemand. C'est pour ça que tu m'as obligé à faire espagnol. Hein. Mais t'as tout compris. Ton soi-disant mec espagnol, là. Hein, super, hein. Tu parles à moitié espagnol, j'en suis sûre. Mais non, c'est un vrai espagnol qui te dit ça peut être hyper bien, on peut même aller habiter en Espagne. Ah ouais. Oh putain. Non mais tu m'annonces sincère. Ah, t'étouffes pas. Vivre en Espagne. Ah non mais moi, vivante, je resterai ici, moi. Je reste en France. Ouais, je vais pas vivre en Espagne. Alors ça, tu pourras le voir. Maintenant, tu me laisses, tu me dégoûtes. Manon, s'il te plaît. Oh là là, c'est la fille qui raccroche au nez de sa mère. Elle est bien ta mère. On y retourne. Elle est géniale. Elle est top. J'ai hâte de la dernière phrase. Mais moi, vivante. Elle m'étrangle. Moi, vivante. Jamais. En Espagne, tu resterais là. À la fin, je serai José. Français. Allô? Oui, bah, tu raccroches déjà, tu raccroches même pas. Hein. Tu sais que quand je vais rentrer, je raccroche encore une fois. Mais si, c'est ce que je veux. Je suis pas avec toi, je fais ce que je veux. Tu m'as pas laissé finir ma conversation. On peut au moins parler tranquillement. T'es grande, t'es plus un bébé de 10 ans. Tu comprends ce que je te dis? Je te dis que j'ai le droit d'être heureuse et d'être amoureuse. Je pense que tu devrais en parler à papa parce que c'est lui qui va souffrir, maintenant. C'est pas nous. Nous aussi, on va souffrir. Parce que nous, on n'a plus notre père de notre naissance. Hein. C'est lui, notre écoute, père. Écoute, Manon, justement, hein, pour en venir là, si tu veux qu'on soit vraiment honnête sur ton sujet... Voilà, c'est pas la première fois que je trompe papa. Voilà, parce que je suis heureuse. Donc c'est pas la première fois que je trompe papa. Quoi, d'ailleurs. C'est pas la première fois. Tu te fous de moi. Parler, de me crier dessus. T'as pas mangé depuis longtemps. C'est pas la première fois. Tu m'as trompé combien de fois? Tu m'écoutes, tu me laisses parler ou je vais me couper la parole comme tout le temps. C'est pas la première fois que je trompe ton père. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est lui ton père. Quoi? Bah oui, faut être honnête, tu ne ressembles pas. Tu me ressembles qu'à moi. T'as tous mes défauts, même mes qualités. Je ressemble juste à ton père, hein. Mais Manon, t'as quoi de ton père? J'ai pété un plomb. Pété un plomb, hein. T'as pas l'âge de péter un plomb, t'as un plomb. Hein. T'as juste à dire oui maman, je suis heureuse pour toi, je suis contente pour toi. Mais et je le rencontre. Tu crois que je devrais être heureuse pour toi alors que tu m'annonces que je vais avoir un nouveau papa? Voilà. Que t'as couché, que t'as trompé papa. Oui, c'est non, mais tu m'annonces. Oui, autant, toi au téléphone. Je te laisse au téléphone. C'est qui toi? Je te laisse au téléphone. Ah, c'est toi le mec à ma mère? Hola. Manon, tu parles comme il faut, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? Dis hola, c'est bien, c'est bonjour, Pauli. Mais c'est pas mon père. Bonjour, je suis Rose. Mais c'est pas dit, c'est ton père. Hola. Tu dis que c'était mon nouveau chéri. Oui. Mais non, mais je veux même pas le connaître, ton mec. Je veux même pas le connaître. Olé, bonjour. On fait l'amour beaucoup avec maman, et voilà. Remplace-moi, ma mère. Non, je voulais dire bonjour. Je te donnerai des cours, hein, si tu veux, d'espagnol. Voilà, je... un retal el plombos, en espagnol. Manon, je vais parler à ma mère. Je vais parler à ma mère. Parlare un mar. Maman, avec lui, t'as une super moyenne. Tu sais même pas ce que tu fais. Tu sais même plus ce que tu fais. Tu sais quoi, j'ai 36 ans, Manon. Me dis pas ce que tu fais. Tu ne sais plus. Pas parler, c'est plutôt fort. Tu vas être super contente, on va être super bien, Manon. Muy bien. On va être super bien à nouveau à 5. Voilà. Attends, je vais parler à Manon. Manon, Manon, c'est Rosé. Ça va? Ouais. Ça va? Mais tu sais que tu peux m'appeler aussi autrement, hein? Si tu n'aimes pas mon prénom, José, tu peux m'appeler Coé aussi si tu veux. Quoi? Si tu veux, tu peux m'appeler Coé aussi, tu peux. Non, je veux parler à ma mère. Oui, mais elle est là, ta mère. Mais moi, je m'appelle pas José, je m'appelle pas Rosé, je m'appelle Coé et on est sur Énergie. Voilà. Quoi? Et c'est moi qui t'ai eu. Et bim! Ah, c'était beau, ah, c'était bien. Magnifique. Oh, il y avait les degrés, on est monté dans les sentiments, on est redescendu, hop, on est arrivé à la fin au bon moment. Oh là là. Tu t'es fait avoir au super jeu. Ça va, Manon? Oh oui, ça va, j'ai eu un peu peur. Oui, mais résultat, maintenant, c'est que du bonheur. Oui, il y a ton père. Voilà, si tu vois, en y repensant, tu seras mort de rire. Tu passes dans la phase de décompression qui arrive c'est à ça, tous les gens ça. Du super jeu. Ouais. Ils ont une phase de ça va pas bien, puis après ils ont une phase de oh les cons. Elle était trop mignonne, tu vois, Manon, t'es génial. Je ne rentre pas ce soir. Manon, cette phrase de moi vivante, je ne bougerai jamais d'ici. Alors ça m'a beaucoup fait rire. Coé, 19h-22h sur Énergie. Who needs me?

Est-ce que vous avez vu le nouvel appartement, la nouvelle maison de Taylor Swift? Non. Elle s'est mise bien. Une petite bicoque. Parce que son appartement dans le quartier de Tribeca, un petit ravalement de façade, et elle a dit, c'est gênant, je peux pas dormir quand il y a un ravalement de façade. D'ailleurs, je remercie le gros con qui est en train de démonter le radiateur à côté de chez moi depuis 4 matins à 7h30 du mat. Mais non. Moi aussi, les travaux, mais ils commencent à 8h. Je me suis dit, si demain il le fait, je te jure, je le tue. Vous regarderez Crime en direct lundi, vous verrez, je suis dedans. Ils ont le droit de faire du bruit à partir de 8h du matin. Quel connard, le mec. Bam. Mais le reste de la journée, non. T'as l'impression que le mec, il arrive, il a un toc. Et il tape sur les radiateurs. Tu es obligé de faire un truc le matin même. Ah, une fois que t'es réveillé, ça s'arrête, il n'y a plus de bruit. Mais je... Souvent, c'est comme ça. Ouais. Je deviens ouf. Eh bien, pendant qu'on était en train de faire des petits travaux, elle a décidé de se loger dans un petit appartement de West Village. Vous connaissez le prix du loyer de l'appartement? Non. 40 000 $. Wow. Ça fait 35 000 € par mois. C'est énorme. Et alors, c'est même pas dingue, parce qu'à ce prix-là, elle a 5 chambres, 6 salles de bain et une piscine. Quand même, ouais. Eh mec, 40 000 $. 40 000 $, c'est pas... 5 chambres, ouais. Non mais oui. C'est... Ouais, c'est énorme. Elle a trouvé ça grâce à Stéphane Plaza. Ah bon? Ah bah oui, émission là, recherche appartement de bâtard. c'est le nouveau truc. C'est, elle a que des appartements de bâtard. Et elle a trouvé, merci Stéphane Plaza. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. Total chez Koei sur Énergie. Aïe, aïe, aïe. Juliette Beretta est notre invitée ce soir. J'adore cette nouvelle chanson. J'adore ça. J'adore ça. J'aimais bien déjà celle-là. L'album sort aujourd'hui, vendredi. Il est notre invité Julianne. Et attention, aujourd'hui, les amis. Ah là là, grande première. Today. Ouais. Julianne have to speak French. And we have to speak English too. Because. Because we have no tradition. Elsa is. Isa is at the cemetery. Ah, voilà. And now we speak. You have to speak French. Je suis prêt. Alors déjà ça démarre mal. Alors bon déjà je suis prêt. Eh oui, tu aurais été une fille si je suis prête. Ah, okay. Fille prête. C'est ça le problème pour moi, la féminine masculine. Ah oui. Ouais. J'espère que le c'est féminin que masculin. C'est que comme ça le souci. Le soir tu ne prends plus. Ça va. Bon, Julianne est notre invitée. Non, j'adore les deux titres là qu'on a mis tout à l'heure. Celui-là on va se le faire dans un instant. C'est celui-là qu'on se fait après. Oui. J'aime bien celui-là. L'album s'appelle Karma. J'adore ce titre-là, je le trouve ouf. Comment ça va, Julien? Tu veux bien. Tout va bien. En fait, je suis avec mon père aujourd'hui. Ah, c'est son papa. Ouais. Oh. Il vient de Londres pour accompagner moi en Europe cette semaine. Ça veut donc dire que, vu les cheveux de ton papa, dans 20 ans, oui, tu seras comme lui. Fais attention. Don't make fun of my dad, mon père. Fais attention, hein. Oui, mais c'est vrai. Je fais une photo de tes cheveux. Voilà, c'est pour le souvenir. Parle pas Did you have the same hairs before? Yeah. Oh merde. Oh, mec, il avait les mêmes que toi. Non. Elle avait 30 ans quand elle est. Ah, oui. Les cheveux, elle a disparu dans la toilette. Les cheveux ont disparu dans les toilettes. Oh mince. T'as quel âge là? 26. Encore 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans. Après, t'auras froid au crâne. Ouais. C'est pas drôle. Lui va bien. C'est pas drôle. Il est premier deck sur les cheveux comme toi. Alors, oui, imagine. Je veux pas imaginer. Si. Imagine un jour, tu es dans les toilettes. Et hop. À 30 ans. D'un coup. Avec la chasse. Ça va être difficile pour moi. Oh, ouais. Tu m'étonnes. Mais on le vit bien. Ah, it's good like that, non? Bah ouais, bah y a pas le choix. Ouais, y a pas le choix. Ouais, pas le choix. mais si, le papa aurait pu mettre une moumoute. Ouais. Mais toi, l'avantage, c'est que t'as jamais été comme lui. Non, j'ai jamais eu ça, moi. Donc, très bas sur la photo qui a été faite ce soir. Ce soir, j'ai. Mais sinon. Ouais, très belle, d'ailleurs. Elle est très belle, hein. Très belle photo. Là, on s'aperçoit que les cheveux ne te vont pas du tout. Oh, Célina. Ouais, c'est vrai. Comment ça va? Moi, on dirait David et Jonathan. Tu sais, la bulle. Est-ce que tu viens pour les vacances? C'est vrai. Ça va, Célina? Oui, ça va. Ça va, ma chérie. Je te présente Julianne. T'as 16 ans, t'habites Nantes. Parle doucement aujourd'hui. Julianne parle français. Hello. Bonjour. Hello, Julianne. Comment tu vas? Bien, et toi? Tu vas bien? Ça va à Nantes? Ça va très bien. J'aime bien Nantes. C'est vrai? Ah, ouais. Bah, bien. Ouais. Ah, c'est vrai que non c'est seulement bien. Il parle français, mais aussi il connaît bien la France. Ah, mais c'est une jolie ville, Nantes. Moi, j'aime bien aussi. Moi, je connais pas. C'est un, t'es jamais fait? Non. Ah, c'est top. Moi, j'ai fait plusieurs fois et tout, c'est une tuerie. C'est bien, Nantes, ouais. Vas-y, Ocelina, pose ta question. Je voudrais savoir, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, garder les cheveux. Voilà, garder mon cheveu. C'est pas loin. C'est pas loin. Non, je sais pas, continuer mon musique. Ouais, oui, bon, ouais. Ah, c'est bien. Mais est-ce que tu rêverais d'une scène, par exemple? Un truc à faire, une grande scène, un endroit dans le monde où quand tu vois la salle de spectacle, tu dis, celle-là, je voudrais la faire. Oui. Madison Square Gardens à New York. Ça. Ah oui, c'est bien. Bah, oui, tu prends petit. Non, mais c'est un rêve. Je sais pas. I don't know. Oui, une grande salle comme ça. Oh, en Angleterre, on avait the Royal Albert Hall. Mm. Et ça, c'est très, très classe. Ah, le Royal Albert Hall, c'est beau. C'est un peu comme l'Olympia ici, en fait. Ah non, ouais, mais c'est plus beau, exactement. C'est plus beau. C'est tout à la verticale et tout, c'est beau. Je te fais un gros bisou. Et Célina, est-ce que ça te branche si on fait le titre en live aujourd'hui, là, maintenant? Oui. Vas-y, à toi. Carrément. Julianne, okay, allez, va. À toi. Mets-toi en place. Tout à l'heure, on a essayé le micro. Laurie s'est passé devant le micro de Julianne. Il est effectivement il très l'a grand. Au niveau du front. C'est effectivement, voilà, il l'avait au-dessus de sa moi, tête. Ah, t'imagines? Hein. Oh, bah, toi, ce serait à mourir de rire. Rien que sur la photo, c'est marrant. Bisous, Célina. Je voudrais que vous fassiez beaucoup de bruit. On est vendredi soir. L'album sort aujourd'hui. Voici Julianne Beretta en live sur Energy. So hard to think. think about what we could have been, where love could have taken us, blame it on the wind and cry, cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, but can we make a truce? 'Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Il y avait cette demoiselle au premier rang. Il y a toujours un. Que nous appellerons la femme sans rythme. C'est-à-dire que. Sein, si ça marche, hein. Oh, Julie. Oh là là, excuse-moi, elle a des gros seins au passage. Mais mademoiselle. Mais ils ont le rythme, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à. Ça commence. T'es pas rendu compte que. C'est pas le rythme. Ah, mais on a vu, on a vu. Ouais, ouais. On a vu, mais pas du tout en plus. Hein. Mais alors tout à côté. Hein. C'était. Et ça ne te gênait pas. Bah, tu ne voyais pas que tu n'étais pas avec les autres. J'ai regardé de Julien. Ah, voilà, voilà. Mais heureusement qu'il l'a pas entendu parce que je pense qu'après tu sais plus où tu chantes. Bravo, l'album est sorti aujourd'hui donc il est avec nous, Julien. Ça c'est I Cry, c'est le nouveau. Est-ce qu'il y a celui-là dans l'album? Oui, évidemment. J'espère, oui. Ouais, je confirme, il est dedans. Est-ce que ton père aime bien tes chansons? Demande à lui. Hey, the father! What is your favorite song? In the Julian album or Julian I like Miracle. Miracle is excellent. Like me. And in the last album? I didn't really like the last album. Il a pas aimé. Il a pas trop aimé l'autre album. Il a pas aimé. His first album should have sold millions. That's the way he's talking. That's what he's talking about. Non mais laisse ton père parler. Non mais fais ma gueule. C'est papa. On critique pas papa. The very first album they had Wonder Why. All the songs were fantastic. Celui-là. Mais il a pas aimé celui d'avant. Donc t'as vu? Le premier album t'as bien travaillé. Le deuxième? Oh, ça c'est mon deuxième. Ah, non, il a aimé Wonder Why. Non, mais lui, il a entendu des autres chansons. Ah, il a pas aimé les autres. Les demos de des autres chansons. Il a pas aimé. Merci monsieur. Merci, c'est bien cette bien. Franchise. Bon, alors attention, voici le concours de Je parle le mieux français. Toi, tu parles bien français maintenant ? Apparemment, ouais. Et c'est bien, c'est bien. Et Jérémy, lui, ne sait pas du tout parler anglais. Mais alors, ce que je vais faire, c'est énorme. Je vais vous donner une phrase en anglais avec mon French accent. Je vous donne une phrase simple. Le premier des deux qui me la traduit en français. Je mets un petit point à côté. À mon avis, il faut commencer par Julian. Parce que Julian, à mon avis, il est meilleur en français que Jérémy en anglais. Mais ce qui est bah, oui. Julian. Yes. I had so much trouble when I heard the news. Heard. J'avais, j'avais beaucoup de problèmes quand j'ai entendu la news. Nouvelle. Un nouvel. Bravo. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence par Jérémy. C'est excellent. Jérémy. Ouais, commence par Jérémy. Just Jérémy. On peut dire que celle-là. Non, Jérémy. Is it possible to have change, please? Oh, allez. C'est facile. Est-il possible de faire échange? Non. To have change. De changer? Oui. Est-il possible de changer? Ouais, enfin, d'avoir de la monnaie. D'avoir de la monnaie. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien. Le please. Allez, attention. S'il vous plaît. It's rude to touch boobs. Ah, Jérémy. It's rude. Bien de toucher le son. Non, c'est pas. C'est. C'est bien. Non. Rude. Ah, oh, pardon. Rude. Is it good? It's rude. R-U-D-E. Rude. It's rude. C'est rude. I don't. Rude. Rude. C'est rude. Ici, it's rude. Non, it's not rude. It's rude to touch boobs. Toucher les seins, on est d'accord. Ouais, touch boobs. C'est rude. C'est rude. I don't know the word rude. Comment on dit? C'est impoli, impoli ouais. Ouais. Ah, c'est impoli. Impoli, voilà, impoli. Ça. La dernière, elle est pour toi, Jérémy. Vas-y. I cheated on my wife because she doesn't want by the back. Elle est pour toi, cette phrase. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. My wife. I cheated on my wife because she doesn't want to bet the back. Wife, c'est vie, non? Non. Non, wife. La femme. La femme. Ma femme. Ouais. Ouais. On va acheter lui une longue phrase, si c'est pour dire juste ma femme. Mec, excuse-moi. Bon, ok, Julian. She doesn't want. She doesn't want. Mais mec, je n'ai pas fait anglais. She doesn't want. I think I know this one. So je trompais ma femme parce qu'elle ne veut pas recevoir des choses. Recevoir des choses. Derrière. C'est ça. C'est bien dit. What I think. C'est ça. Mais c'est une bonne traduction, bravo. C'est très bien. Alexa, vas-y ma chérie, à toi, je te présente Julian. Coucou. Vas-y Alexa. Donc moi je voulais savoir s'il préférait sortir avec une fille au physique compliqué mais drôle ou alors une fille canon mais relou. Canon est relou tout le temps parce que ça c'est ma vie. Canon est relou. Mais si elles sont canon, elles sont reloues. Eh oui. Toujours. Mais toujours. Bon on la connaît, enfin on voit qu'il y a... La canon cool, elle n'existe pas. Eh oui. Si, si y en a. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas en France. Parce qu'en France, elle est cool deux jours, mais une fois que t'es, ça y est, c'est fini après. Ouais, oui, malheureusement. Mais bon, voilà ma chérie. Là, pourquoi, pourquoi t'es sympa? T'es canon et relu. Ah, peut-être le physique compliqué. Bah, je sais pas. Ah. T'as un physique compliqué? Bah, un peu, oui. Bon, ça peut s'arranger, t'as que 14 ans. Mmh. Ah, mais... excuse-moi. Si, c'est possible. T'avais une autre question? Oui, je voulais savoir c'était quoi sa chanson du moment. Est-ce que t'écoutes en ce moment? Son chant, j'écoute en ce moment. There is a lot of songs I listen to at the moment. Je sais pas. J'écoute beaucoup de musique en ce moment. Bah, il y a bien une qu'on connaît. Une connue. There's a remix by Afrojack. Oui. Oula. This song is called Hey, na, na, na, na. You don't know it. Okay, but it's called Hey, and it's by Afrojack. Hey, c'est hey. Court, c'est court. I like it. C'est la chanson qui fait Hey Afrojack. Afrojack et Hey. Je t'embrasse, Alexia. Hey, yeah. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Bisous. À bientôt. T'habitais où, toi? À Paris. À Paris. Ça va? T'as bientôt fini? T'as fini l'école et tout? C'est réglé? Vacances? Non, pas encore. Je passe mon brevet, donc pas encore. Ça va aller, ma chérie. C'est quoi, jeudi, vendredi prochain? Oui. Ça va aller. Ça va aller. T'es bien à l'école? T'as les bonnes notes? Non, pas trop. Ah, courage alors. Courage, c'est quoi ta moyenne? 11,5 je crois. Oh, ça va, 11,5, c'est bon. Bon, c'est limite, hein. Ouais, ça veut dire chaud. Que tu vas redoubler la seconde, c'est obligé. Arrête, hein. Toi, t'es pas bien. Merci. Bah, 11,5 en troisième, c'est foutu en seconde. Allez, gros bisous, je t'embrasse. C'est vrai. Bisous. Qu'est-ce que vous me dites dans mon casque là? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? C'est vous dites? Moi, j'ai cherché sa petite amie pour voir si elle était canon, justement. T'es sorti avec Pamela Anderson, toi? Qui m'a dit ça dans mon casque? C'est pas moi. Ah, apparemment, non, il ça le peut pas. Apparemment, non. Je comprends pas les questions. Ou alors, elle t'a saoulé. t'as saoulé. Non, pas laissé. Putain, mais moi. Ah oui, bon, moi, je sais. C'est juste depuis les derniers 3 ans, tu me demandes. Non, j'ai jamais posé la question. Non, ah, pas moi? Mais pas moi, j'ai jamais posé la question. Jamais. Tu t'en... Hein, non, c'est vrai en plus. Jamais. Ouais. Pas chez nous. Hein. Pas moi. Tu hein. me demandais. Bah, attends, je vais déconner. Et s'il l'avait su. Si je l'avais su, je serais arrivé avec un t-shirt. En disant, je connais un mec qui est sorti avec Pamela Anderson. Je savais pas moi. Ah, ça doit être un bon cas, ça doit être un bon plan quand même. On parle après. Bon plan. Non, il veut pas parler. On parle. Moi, je sortirai avec Pamela Anderson, j'en parlerai tout le temps. Moi, je commencerai l'émission en disant vous savez, si je suis sorti avec Pamela Anderson. J'aurai un t-shirt de Pamela Anderson sur le capot de ma bagnole. Ici, il y a eu les fesses de Pamela Anderson. J'aurais fait un truc de fou. Restez avec nous, Julianne Peretta est notre invité. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? On a encore deux petites minutes. Oh, bah alors, il y a 3 minutes, tu m'as dit on a vu le temps. Bah non. Alex, ça va mon pote? Ouais, ça va et toi? Ouais, prends une fois qu'on a le temps, on en profite. Vas-y, Alex, je t'écoute. Ouais, donc moi en fait j'ai vu que Julien il avait fait des soirées avec Kev Adams, enfin une soirée avec Kev Adams, et il s'était moqué de lui parce qu'il avait pas très bien parlé français. Il a dit comment? Qu'il se vengerait, est-ce qu'il s'est vengé? Ah oui, il a dit qu'il devait se ouais, venger. Ouais, est-ce qu'il s'est vengé et si oui, comment quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Actually, I don't understand this. En fait, Kev Adams s'est moqué de toi à une émission de télé française chez Michel Drucker, il me semble. Il avait dit comme quoi, enfin gentiment, que tu parlais mal français et il était question que tu te venges. Est-ce que tu t'es vengé? Could I come back with a thing to make him look stupid? Yes. Ah oui, ça c'est sûr. And I think he would be very angry if I could say something to come back. Pardon, je parle. Il est prêt à se venger. Mais il faut. Ouais, il faut se venger. J'ai besoin de faut se venger. To think. Lui, il est trop d'histoire. J'ai besoin de. Il est quoi? I have too many stories that I could venger. Ah, il y a des dossiers sur lui. Hey! Ah, il a plein de dossiers pour se venger. Non. Il a paniqué. Non, lui, elle est. Non. Arrête. Lui, il est un très bon garçon. J'ai pas de mauvais mots pour lui. Eh ben, on va essayer de réfléchir quand même. Ouais, tu sais quoi réfléchir. Dans un instant, il faudrait que tu lui montres que tu sais bien parler français maintenant. Ouais. Et, comment on sait que l'on maîtrise bien le français? Oui. Quand on maîtrise quelques mots d'insulte en français. Ah oui. Ah. C'est là où on tient le truc. C'est ça. Qu'est-ce que tu connais en insulte? Je peux dire? Oui, bien sûr. Oui. Si on peut. Connard. Ouais. Connard, putain. Ouais. Comme le président, putain. C'est le même. Non, c'était Pétain. Poutine. Non, Poutine. Non, non. Il y a Poutine et putain. Oui, c'est presque pour moi. Mais c'est presque, mais on n'y est pas. Je te fais un bisou, Alex. Bouge pas dans un instant, on va essayer de trouver un truc. À bientôt, je t'embrasse. Reste avec nous pour la suite. On se fait un bisou dans un instant. Julianne Peretta est notre invité jusqu'au bout. Sexy, watch them just to follow me. Have mercy. None of them no move me. Shy, I am you once. Only he can make me I agree. Fire, bang, dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Just la larme entre toutes tes belles paroles. Je l'ai fini tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, t'as beau parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Oh Lord, have mercy. You money them in a party. The all of them sexy. Watch them just to follow me. Have mercy. Move me. Shy guy, yeah, me wanty. Only he can make me I agree. Fire, surtout ces beaux paroles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Je m'envole, non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, t'as beau parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir tout.

On croise Beyoncé ou finalement on se croise jamais? Non, non, tu croises des fois. Il a discuté un peu avec et tout ou pas? Ouais. Elle a dit des fois j'étais dans le catering, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, ouais, bon, ouais. Je bien. Des fois elle arrive et elle dit c'est bon. Moi je dis oh, quel échange de dingue! Waouh! Et ouais, elle était cool en fait. Elle était cool. Elle est ouais. jolie en vrai. Ouais, magnifique. Très impressionnant. Et alors? Et alors quoi, alors quoi? Jay-Z avec elle tout le temps. Hey. Ah ouais, il est chiant, il est chiant. Pas tout le temps, visiblement, pas tout le temps, tout le temps. Des fois, il est un peu à côté, mais bon. Mais bon, quand il est là, il est avec elle. Bon, il faut que vous ayez l'album de Julian Peretta, en tout cas. Le nouveau titre, on vous l'a mis, il s'appelle Cry, il y a Miracle dedans. Est-ce qu'il va y avoir des scènes un peu... Est-ce que tu vas être avec moi le mois de 2 juillet, il est avec moi ou pas au NMT de Roubaix? Oui. Ah, je vais être à Roubaix, on va se voir. Ah, cool. À Biarritz du Nord. À Ruby? Non, pas Ruby. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre rien du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliorent les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Ah, voilà. C'est okay. Bien, c'est bien. Parce que dans le sud, tu avais des gens qui disent, par exemple, tu veux du pain. Pain. Du oui, pain. Du pain. J'ai rencontré pour la première fois récemment Kenji Jurek. Oui. Oui. Très, très nice guy. Very nice guy. And we were talking together at the Euro. Tu sais, l'ouverture de l'Euro. Oui. We were together. And il discute avec moi et je comprends rien de tout. Et au moment, je dis, tu parles en espagnol? Parce que I thought he was speaking Spanish, because c'était tellement différent de le français que j'ai entendu normalement. T'as rien compris? C'est espagnol. Ouais, c'est bizarre. C'est gitan, il parle vite. Parle peu comme ça, ma couille. Ah, mon gamin. Ah, comme ça, mon gamin. Non, il parle pas comme ça. Où t'as vu qu'il parlait comme ça, toi? Il parle très bien, Kenji. Hey, je t'ai long. Non, mais il a un peu l'accent du sud, beaucoup, effectivement. Ouais, Bordeaux! L'accent, ouais. L'accent du sous-ouest, ouais, par là. Ouais, ouais. Bon, en attendant, écoute, c'est le moment de montrer. Est-ce que vous avez. On a mis quelques petites mots, insultes en français. Ok. Mais gentilles. Alors, elles sont gentilles. Ok. Elles sont gentilles. Alors, ce que je propose, on a deux solutions. Ou tu les répètes avant, ou tu les balances comme ça, sans les répéter. I didn't understand. Tu veux les répéter ou pas? Oh, you want me to repeat it? Oui. Ouais, okay, yeah, I can do this. Mais c'est pas répéter. Oui, pas non. Ça. Non, mais si, c'est ça. T'entraîner. Voilà. To try. Ah ouais, ça. You make a training and you read before or you discover. Allez, direct. Direct. Direct. Direct. Okay. Direct. C'est quatre phrases. Ok. Est-ce que tu appelles Kev. Parce que Kev, il s'est foutu de toi. Je pense que c'est le moment de lui montrer que tu sais parler français. Do you want me to try and call him? Voilà, mais yes. Tu te mets en haut-parleur. Ouais. Et tu mets. I don't think he's gonna. He's in America, so I can try somebody else. Les États-Unis là. Une America. Mais même si on a le répondeur, c'est pas grave. Ouais, mais même si on a le répondeur. Leave a message. Okay, c'est bien le répondeur. C'est bien. Alors, Julian, ouais. Tu fais hey, c'est Julian et les quatre phrases. Ok. Do you want me to tell him? Ah non. You are not with me. Haut-parleur. Regarde les phrases. Hein. Non. 06. Ah bah bah bah bah bah bah bah bah. Voilà, c'est bon. Prêt, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Tête de zoub. Ouais. Tu peux de cul. Tu peux de cul. Oh. Ta mère, elle suce des chèvres. T'as des poils aux pieds, on dira un hobbit. Tu raccroches, tu raccroches. Et présente-toi. Présente-toi. Goodbye, Kev Adams. It was Julian Peretta. Voilà, c'est fait. Le truc pas grillé. On fait un bisou à mon Julian Peretta qui était là. Merci mon pote, c'était cool d'être là. Et si dans un instant on se faisait un blind test, tout le monde va se déchirer. C'est quoi le thème? Il n'y a pas de thème anglais français. Il y avait exactement un thème, mais t'étais pas au courant. C'est quoi le thème, Miguel? Il y a les épreuves de français et d'anglais. Là, on a des chansons internationales. Comme une branlée de la nana qui était pas au courant. Et il faut traduire les chansons en français. Mais non, j'ai dit bac français. Oui, au début, tu m'as dit il n'y a pas de thème. Puis après, mais parce que j'avais d'autres choses en tête que ça. Excuse-moi de travailler. Par exemple, on écoute les Rolling Stones, et bah, il faut dire les pierres qui roulent. Il faut trouver et traduire. Je vais vivre l'enfer. Je vous préviens, d'ores et déjà, je vais être de mauvaise humeur. Avec Jérémy, on est bien parti, je pense. Jérémy, ah oui, Jérémy va traduire. Ah oui. Bon, c'est bon, on sait qu'il y aura la sentence, alors à tout de suite. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Avec Julian Peretta là, parce qu'il est en train de se mettre bien là. Il fait une petite vidéo et tout tranquille pendant que tout le monde est à l'antenne, hein, il s'en rend même pas compte. C'est ça. Bon, si on s'écoutait la nouvelle parodie, Payette il va marquer. Allez, vas-y. Payette il va marquer. Payette il va marquer. Payette il va marquer. Payette il va marquer. Payette il va marquer. Après il va pleurer. Payette il va marquer. Payette il va marquer. Payette il va marquer. Après il va pleurer. La vidéo, la vidéo. SOS, le ministre du gel fixation mettant. Mettez-lui une nouvelle couleur dans les cheveux, du gel, du vert, du poupourri. Eh, ok, t'as pas l'impression de refaire le même son qu'il y a 10 ans là? Non, il y a 10 ans c'était Zidane, là ça n'a rien à voir parce que c'est. C'est bien, c'est timide, c'est timide, c'est timide. Non, c'est timide. C'est le cœur des jeunes vierges qu'on a mis au premier rang. Donc c'est timide, c'est encore timide, mais ça va, ça sera bien d'ici lundi. Tout le monde a le temps de se chauffer. Pour l'instant, on devait faire un blind test, mais attention, on vient d'avoir un flash spécial. Il y a un dos. Il y a, c'est ce qu'on appelle sur BFM Télé, les mecs, ils arrêtent tout, ils font un flash spécial. On a un flash spécial. Là, c'est important. C'est ce qu'on appelle entre nous un dos. J'ai envie de dire, c'est le dos de la semaine. De la semaine. Et je voudrais d'abord que l'on appelle Bérénice. Bérénice, peux-tu venir t'asseoir avec nous? Il faut appeler déjà l'intéressé. Bérénice, viens t'asseoir avec nous, s'il te plaît. Non, ce n'est pas un tribunal populaire, non. Tu n'as rien à craindre. C'est que du bon, Bérénice. Ça va? Ouais. Bon, alors rappel des faits. Lundi soir, on fait une émission, on s'éclate. Yeah, oh. Alors je rappelle les faits. Il y a eu un week-end. Lundi, on. Quoi, le week-end? Oui, il y a eu une rencontre chez moi. Il y a eu une rencontre entre Bérénice et. Sam. Sam, qui est un copain de Pietre. Ouais. Il ne le voit pas. C'est celui qui conduit, donc c'est celui qui ne le voit pas. Voilà. Et donc. Et d'ailleurs, il n'a rien vu. Non, c'est et vrai. Lundi, on fait un petit verre juste après l'émission. On se retrouve. Et là, Loris, en sortant du studio, croise Bérénice. Avec Sam qui vient la chercher. Je rappelle que c'est celui qui conduit, donc il ne voit pas. C'est ça. Et il veut niquer Bérénice. Parce que Sam, celui qui conduit, c'est celui qui nique Bérénice. Mais non, arrêtez là. Et celui qui ne boit pas, c'est celui qui la nique pas. Voilà. Bon, et donc, il est là, et donc, hein, il arrive avec nous à table. Il t'a ramené chez toi. Non, mais il est venu par hasard. Nous avons un commentaire de Dominique Rizet, flash spécial. Là, ils étaient très mal. On leur dit venez en haut, je descends en bas, on ne les trouve plus pendant 30 minutes. C'est vrai. Quoi? Les deux, vous êtes cachés. Ils avaient mis un quart d'heure. Vous avez mis un petit peu de temps pour faire 200 mètres quand même. Ah oui. Mais non, parce que. Mais non. Parce que je suis chez. Mais pas du tout. Mais vous déformez tout. Déjà, on n'a pas mis une demi-heure. Si. Laissez-la s'exprimer. Parce que moi, j'ai pas compris. J'avais pas compris. Il m'a dit ouais, ils nous attendent. Et moi, je savais pas que voilà, vous l'aviez envoyé. Enfin bref, voilà. D'accord. J'ai rien compris au truc et voilà. Non, mais il y a rien. Y a vraiment cette rien. Explication, elle est brillante. Non, parce qu'il m'a non, mais ce, pendant oui, le truc. Le principal, c'est qu'il y a eu son ballon. Non, mais on a pas. Il est venu par hasard, bien sûr. Bon, eh bien. Et là, alors, que s'est-il passé depuis? Mais absolument rien. Est-ce qu'il t'envoie des messages? Oui, il a dû m'en envoyer un ou deux, mais. Oui, comme ça. Donc voilà, c'est pas psycho, c'est bien. Est-ce qu'il t'envoie des petites fleurs? Mais non. Mais il y a rien. Son zizi? Mais quel menteur. Non, je vous promets que non, il y a rien. Il t'envoie pas des fleurs qu'on a interceptées au studio. Regarde ce que. Oh, oh là, Bérénice de Ville. Attends, on va voir s'il y a un message dedans. Un voilà, quel est le message? Non, merci de m'avoir sucé lundi soir. Non, mais c'est pas une blague. Hein, c'est... Non, mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Ça vient pas de moi. C'est la sécu, ils nous ont dit il y a un colis pour Bérénice. Ça vient pas non plus de Jérémy. Et pourquoi vous m'avez pas donné? Bah, ça y est. On vient de le recevoir. Tu vois bien que. Non, mais j'ai honte. C'est pas honte. Mais pourquoi t'as honte? C'est mignon. Parce que tu le réponds maintenant. C'est pas Gradure qui t'aurait fait ça. Ah, il y a un message. Ah, lis le mot. Il y a un message. Allez! Là, non, ça, c'est là, ça, c'est le. C'est la pub, c'est le prix. Il faut que tu le rembourses. C'était contre remboursement. C'est bien compliqué. Non, il hein. n'y a pas écrit. Si? Bah, c'est peut-être là-dedans. Il y a 5 euros de réduction. Mais non, mais c'est à l'intérieur. Il y a écrit 1000 excuses. Il y a écrit 1000 excuses. Donne. Mais c'est peut-être pas lui, donne. C'est pas lui, je pense. Non, mais c'est pas lui. C'est peut-être pas lui. Il y a écrit 1000 excuses. C'est peut-être Gradure alors? Ah, c'est peut-être Gradure. S'il y a écrit je t'encule dessus, c'est Gradure. Mais il excuse pourquoi il a tenté un truc? Putain, mais il y a un pont. Mais il y a rien. Tout. Mais non, mais ce mec, il y a vraiment rien avec lui. Je vous jure que c'est eh bien, c'est pas lui. On appelle, on a le numéro ou pas? Pourquoi il écrit 1000 excuses? Allez, on va vérifier si c'est lui ou pas. Je veux voir un peu. Ah, il y a autre chose. Une bougie. Un god. Une boîte. avec le rabbit. Vas-y, Pietre. Pietre. Allô, Sam. Ouais. C'est Pietre, ça va? C'est lui qui fait chuter par Bernie. Tu m'entends? C'est Pietre, JP. Ouais. Ça va? Ouais, toi. Bon, dis pas de conneries, on a l'antenne. Dis-moi, c'est quoi ce truc? On vient d'intercepter un truc à l'accueil, là. Des fleurs. Et un truc. Ah, une Jaguar F-Type. Un bouquet de fleurs. C'est toi. Des fleurs dans le 16e. C'est toi qui l'as envoyé? Je sais pas. On a Bérénice qui est en pleurs. Elle est là, elle dit je veux payer ma schneck. Elle se lèche les lèvres. Elle est en train de dire je ferai. Moi, c'est quelqu'un pour écoute, une voiture et vous avez reçu des fleurs. Écoute, elle nous dit un truc, elle est en train de nous dire depuis tout à l'heure je lui ferai bien plus que dans la mini. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais est-ce que c'est toi? Non, mais c'est toi qui as envoyé ce beau bouquet de fleurs avec la bougie? Je cherche pas, c'est lui. Qui me parle? J'ai peur de c'est me Julie. Et pourquoi mille excuses alors? T'as chuté trop vite? C'est quoi le problème? Mille excuses? Bah attendez, qu'est-ce qui vous dit que c'est moi? Moi tout de suite. Parce que t'as l'air gêné. C'est lui, t'as l'air gêné. Pourquoi non, parce que je viens de descendre des marches et je suis. Mais ouais, t'es soufflé, t'es gêné d'être soufflé. Tu es là? Bon, est-ce que ça a eu son effet au moins? Oui, elle avait mille excuses. Elle était toute rouge. Ouais, ça. Ah ouais. Pourquoi mille excuses? Elle veut comprendre. Hein? Pourquoi mille excuses? Pourquoi mille excuses? Parce que. Alors attends, mille excuses déjà, il y en a beaucoup, donc il faut que je les énumère. Elle rigole bêtement, c'est bon, ça gagne. Ouais, normalement, ouais. Est-ce que les cheveux viennent se mouiller les lèvres? C'est très bon signe. Ouais. Parce qu'en fait. Non, c'est pas. C'est parce que hier, en fait, il m'a envoyé un texto, il m'a demandé si vous en aviez parlé à l'antenne, et je dis bah oui. C'est par rapport à ça? Ah, tu balances. En direct, comme non, ça. Bah oui, ils veulent savoir. Il est élégant comme là. Il est cassé la tête. Voilà. Sam, je vais te dire un truc. Ouais. T'es un mec bien. T'as offert un bouquet de fleurs à Bérénice. Dis-toi que tu pourrais la niquer qu'une canette de bière. Tu te fais chier pour rien. Un pack de crocs, tu l'emballes. Non, mais je suis au-delà de ça avec Bérénice. C'est bien plus profond que ça. C'est pas. Ah bah ça, on sait pas nous. Ah bah ça, c'est profond. Ça, il paraît que le commandant Cousteau est allé une fois le sous-marin. Jamais revenu. Hein, N'empêche, Bérénice, ça touche ou pas? C'est quand même. Ouais, non, je réalise pas en fait. Oh là là, je réalise pas. La prochaine vient de recevoir son César. Je réalise pas. Avec vous, je m'attends à tout. Bon, vous nous faites un enfant ce week-end. Hein. Voilà. Non, mais arrêtez, les gars. Est-ce qu'il te plaît au moins? Est-ce qu'il te plaît? Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Ouais, tapons, ouais, effectivement. Au moins, tu perds pas ton temps. Il est gentil, il est très gentil. Oh, ouais, mignon. En fait, c'est ce qu'on dit d'un mec qu'on veut pas garder. C'est un mec qu'on veut pas. Bérénice, merde, il a offert un bouquet de fleurs avec un pot en plastique que tu pourrais réutiliser et un parfum parce que tu sens pas bon. C'est une bougie, non, Régis, il est très sympa et c'est un mec. Bon, alors. En plus, il est beau gosse. Il a ses chances, il continue comme ça. C'est attentionné et tout. Mais Sam, est-ce sur une échelle de 0 à 10, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Est-ce que sans alcool, tu es prêt donc à y aller avec Bérénice aussi? Moi, je suis plutôt prêt, mais Bérénice, elle n'a pas l'air super prête. Bérénice, merde, c'est vendredi. Mais les gars, Bérénice, c'est vendredi, putain. Bérénice. Sinon, au pire, Sam, je reprends les fleurs et la bougie, je les ramène ce soir. Bérénice. Oui, au pire. C'est chance ou pas? Mais c'est pas ça le problème en fait. C'est quoi le problème? C'est que. Bien, mais déjà, c'est pas bon signe. Non, c'est que. Il est. Voilà. C'est que quoi? Allez! Et quoi? Eh meuf, ça fait 2 ans que t'as pas fait chaud là! Attends, ça fait 2 ans, t'as un mec qui t'envoie un bouquet de fleurs, une bougie! Il est beau gosse, il est gentil! Le gars, il est beau gosse, il a du blé! Le gars, il est là, il te propose et t'es là, tu chipotes là! Ouais, parce que. Il y a un mec qui a pas bouffé, qui sort de prison au bout de 5 ans, il propose un choucroute, tu fais, oh, je sais pas, j'aime pas le porc! Enfin! Non, mais je pensais encore à quelqu'un, mais voilà! Oh, mais on s'en fout! Alors? Tu pensais à quelqu'un ou t'as quelqu'un en tête? Ouais, j'avais plus ou moins quelqu'un en tête. Ah. Plus ou moins. Mais c'est pas grave, c'est mort. Il faut enquêter, les gars. Allez, on va enquêter. Bon, voilà, ça va marcher. Vous avez plein d'enfants. Et voilà. Gros bisous, je t'embrasse, Sam. Reste avec tout sur Énergie. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Nous, ça va. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air.

Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Commencez le week-end ce soir, 22h. Avec le classement des hits les plus dansés en France. C'est le hit des clubs. Buzz, mixé par Morgan Nagoya. Juste après Coé sur Énergie, retrouvez le classement des 40 hits les plus joués en club par les DJ français. Ce soir, 22h minuit, Hit des clubs. Buzz sur Énergie. Only. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Mais Julie, arrête, je sais que tu ne penses pas. Est-ce qu'on se fait le mix du vendredi ou pas? J'ai le droit de faire combien de temps? 8 minutes. 8 minutes, quoi? 8 minutes. On se fixe quelques trucs que vous kiffez alors. C'est déjà bien. Allez, on est parti, vas-y, mets un jingle sobre, vas-y, sobre. Personne ne lui arrive à la cheville. C'est le meilleur. Ça dépasse mon entendement. Time to make the club go up, time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up, time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. On a fini, on nous dit qu'on nous fait du bruit, faut y aller, c'est fini, fini. Oui. Julie, ta gueule, t'as rien écouté, tu me fais chier, dégage, je veux plus te voir, passe un bon week-end, je veux plus te voir. T'es une fauderche, quand tu auras des autres, quand tu auras mixé sur une autre radio avec d'autres gens, et tu rediras à cette époque-là, quand Co est mixé, j'en profitais pas. J'ai ambiancé, j'ai pas ambiancé. Mais vas-y, ambiancé, t'ambiances chez toi. Allez, gros bisous, bon week-end, je vous embrasse, au revoir, bisous, ciao. Au revoir. Lundi, dès 19h sur Énergie. Allez, on rebule pour un week-end, let's go. Démarrez la fête du vendredi soir sur Énergie, avec l'émission en référence des DJ. Le ID Club DJ Buzz. Et bien content de les démarrer avec vous ce petit week-end. Baptiste sur Énergie jusqu'à minuit. On suit le match Espagne-Turquie avec Morgan Nagoya. Mais plus important, on vous passe les 40 titres les plus mixés par les DJ en France. DNC et Todd Jamo maintenant dans le ID Club DJ Buzz. Dance. Les 40 titres les plus joués en club partout en France. Le ID Club DJ Buzz sur Énergie. Sur Énergie. 6. Super heureux de vous le faire découvrir sur NRJ. On va continuer le Hit des Clubs DJ Buzz avec TGR, 33e titre, le plus joué par les DJ en France. Mais avant, première nouveauté hors classement, c'est sorti chez Spinin, c'est un des plus gros labels de musique électro au monde. Le nouveau Lucas and Steve dans le Hit des Clubs DJ Buzz sur NRJ. des clubs DJ Buzz. Sur Énergie, Énergie, Énergie. Numéro 33. We came the trick, turning up and party. We came the trick, turning up.